Ben non. Imagine-toi que si tu serais sur Internet en train de perdre ton temps à nous écouter. Là. Mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif. On s'invite chez vous et on boit ta bière. Place au podcast. C'est quoi pour toi un ou une geek? Routouraman. Des fois, c'est un peu déplacé. Femme ta gueule. On va se préparer sur le dérapage. Au moins, il y a un nain. Tout ce qui est trois pieds moins, j'aime ça. Zombie Milter. Hey le gros, bienvenue à l'épisode 14 Geek Collectif, en compagnie de mes chummy buddy, Andy, Nico, Cristiano, Milter, Ricky Boy. On est trop sur la coche! Wow, c'est super original ça. J'ai jamais entendu ça de ma sainte vie. Mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, épisode 14. Comment ça va tout le monde? Ça va bien. Ça va bien. Ouais? Oui! Ouais. Good! Ah, ça me semble que c'est déjà vu tout ça. Écoute, c'est du très gros déjà vu. Une petite croustille, man? Merci. Donc, cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous M. Christian Bolanos. Ok, c'est assez. Bienvenue au collectif, Christian! Moins de référence à ça possible. Comment? J'ai du moins de référence à ça possible, s'il vous plaît. Ben écoute, ça va faire son 48 heures d'internet et sombrer dans l'oubli. Il est fini. Qu'est-ce qui s'est passé de bon avec vous cette semaine, mesdames et messieurs? Qui veut commencer? Qui veut parler? Moi, je... Toi, t'es en feu aujourd'hui, man. Ça n'a pas de sens. Oh, ouais. Encore le bal en blanc. C'est le bal en blanc, mais il nous reste du stock dans le sang. C'était en grinchant des dents. Et que ça va être une belle soirée. Bon, ben moi, en fait, cette semaine, j'ai vu IGN ont release des photos. Excusez-moi, il faut qu'on fasse ça en français. IGN a publié des nouvelles photos, wow. En fait, pour le film Thor. Pour des sketchboards aussi de Captain America. Puis, il y a même des photos aussi. Et celui qui m'a le plus surpris. Surpris? Excusez-moi. C'est ton côté asiatique? C'est mon côté asiatique. Bon, le plus surpris, c'est les photos de Ant-Man. Impossible! Mais il y a une vidéo Impossible. Aussi. Impossible! T'as vu le clip d'Ant-Man? J'ai pas vu. Vidéo. J'ai pas vu le clip. Ouais, il y a même vidéo. Ça a l'air quand même assez... Ben moi, j'ai été surpris parce qu'il est très méca comme look, là. Ben, je sais que c'est comme juste ça. Juste le casque. Ouais, c'est ça, le casque, là, mais... Bon, j'ai trouvé ça intéressant. Je savais même pas que c'était un film de Ant-Man. C'est faisait un bout qui en parlait, sauf mais que rumeurs, c'était mais comme pas confirmé. Puis là, tu as du footage du jour au lendemain. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai été surprise. Au début, le monde pensait que c'était quasiment un troll, là, d'une façon. Là, ouais. Non. Mm-hmm. C'est Monsieur Scott Pilgrim. Là. C'est quoi son nom? Edgar Wright. Edgar Wright qui fait ça en plus. Là. Change de ça va être assez épique. Fait que non, c'est ça. Donc, j'ai vu les nouvelles images et j'ai trouvé ça très intéressant. On sortit ça one shot. On se voit sur le site IGN, les photos sont là. Il y a une vidéo de Phase 2 Marvel aussi, là, que Marvel a fait un événement où ils ont montré plein de clips de Captain America puis ton Thor aussi. Ça, je l'ai pas vu non plus. Le Captain Phase America, 2. Son Thor. Il est pas vraiment fini. Non, mais ils ont montré une couple quand même de clips vite fait, là. Non. Comme moi, c'est mieux que je t'excite. Captain America avec le Human Torch, là, ou? Ou est-ce que... Ouais, non, c'est avec GSP, va être dedans, Jean-Pierre, en fait, c'est très drôle. J'espère qu'il va parler en anglais. Oh, mon Dieu. Mais en tout cas, c'est français, là. Ouais, le gars, il fait le... On est correct, c'est quoi, donc, son nom? Ouais, ça va fitter. L'ennemi, c'est... Je l'ai marqué au fond. Mais en plus, c'est un henchman plus que d'autres choses. C'est pas un... C'est un ennemi français qui fait de la savate. Jean-Claude Van Damme. Christophe Lambert. Raiden. Raiden, ouais. Mais non, mais c'est ça. Fait que donc, oui, pour en même temps qu'on en laisse un mot, le deuxième Captain America, George Saint-Pierre, va faire partie des vilains. C'est spécial de le voir en vilain parce qu'il est tout le temps le good guy, tu sais. Le gars gentil. Good guy, George Saint-Pierre. Ben, il passe bien partout, là, tu sais. C'est pas lui qui menace le monde quand tu le vois dans les promos de combat comme d'autres, des fois. Là, il finit chacun de ses combats, en plus, c'est ça qui est le fun. Ah oui, il est super gentil, genre, là, c'est... Rick, essaye pas. Je te vois, là. Tu dis quoi, pis tu regardes Mel du coin de l'œil. Je suis là, j'ai envie de la regarder sur mon téléphone. Ben écoute, merci. Fait que pour les gens, on va vous inviter à aller regarder ça sur YouTube, j'imagine. Ben Marvel Phase 2. Sur IGN. Sur IGN. Il y a des photos de ça. Ok, excellent. Bon, donc, c'était ma nouvelle la semaine. Perfect, dit-elle avec une croustille. Toi, Rick? Rick Hushtit, ouais. La feinte. Pas de grande nouvelle, mais j'ai bien joué à BioShock Infinite, là. Ouais. Bien content avec ça. J'adore ce jeu-là. Ça valait pis... l'attente? Ben, c'est ça, l'affaire, c'est que, moi, je pense pas que ça, oui, ça vaut l'attente, mais c'est, tu sais, c'est comme shooter. Moi, j'étais un gros, moi, je l'attendais, là, pareil. Mais il était écœurant, là. Il était écœurant, le jeu, mais ça me rappelle que j'étais un gros fan de shooter. Mais c'est-tu plus que le 1, plus comme le 1 que le 2, puisque le 2, je l'ai détesté. Non, le 1, mais je l'ai le, adoré. C'est, moi, je trouve que c'est plus une vraie suite du 1. Ouais. Tandis que le 2, c'est une suite de BioShock dans le même univers. Tandis que ça, c'est un autre univers. Jeu, ouais. Mais, je veux dire, la formule BioShock, après BioShock, depuis System Shock, tout ça, on s'entend. Ils ont fait quand même bien des jeux qui ressemblaient à ça, puis je voulais faire parenthèse à ça aussi, parce qu'en jouant à Infinite, je me suis rappelé que des jeux comme Singularity, des jeux comme le Wolfenstein qui était refait il y a pas longtemps, c'était il en fait un autre encore, en fond, ça, ben, je suis en sûr cas, et certain. Le dernier, c'était un BioShock-esque, là, puis quand j'ai joué à BioShock Infinite, je me suis rappelé comment est-ce que j'aime, je suis un gros fan de shooter. Puis les bio la formule de BioShock où ce que t'as du shit à ramasser partout, puis tu montes tes ouais. tes sorts, puis l'histoire épique. L'histoire moi, j'aime épique le mélange de genre de pouvoir, puis... Mais c'est ça qui est le fun, ouais. Mais dans BioShock, c'est comme hein, une bouteille avec un super pouvoir. Glug, glug, glug. Gars, qu'est-ce que je peux faire, tu sais. Puis ça, ouais, j'aime ça. Électricité, genre. Mais le monde, il est hallucinant. L'univers est écœurant. Puis un petit petite remarque que j'ai trouvé cool. On a tous joué des shooters ici, tu sûr, là. Tout le monde a joué un moment dans sa vie un shooter. Puis tu sais, t'as toujours les étapes. Dernièrement, il y a la formule où ce que tu joues, puis c'est comme, OK, regarde. Ça, c'est pour, tu sais, sauter par-dessus. Puis après ça, t'as comme une maudite affaire qui arrive dans ta face. C'est comme, pace B pour croucher. Mais une affaire que j'ai trouvé drôle de BioShock Infinite, c'est que, genre, 4 heures dans le jeu, out of sweet fucking nowhere, t'as de quoi qui tombe dans ta face. Là, ça dit, pace B to crouch. 4 heures dans le jeu, là. Mais tu t'es scrouché avant. Ah, ben oui, mais tu sais, on est des joueurs expérimentés. Fait que nous autres, en 35 minutes, on pace tous les boutons pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Mais le crouch, t'as toujours l'obligatoire. J'ai recommencé à jouer Singularity parce que ça, j'avais bien aimé. Puis BioShock m'a fait penser à faire ça. Puis en dedans de 5 minutes, là, t'es là, puis c'est ouais, plus le stock qui pète, puis tu crouch. À un moment, push B to crouch. Puis ça, j'avais aimé que c'était 4 heures plus tard, tu crouch. Moi, c'est tout le temps ça que je cherche, en plus. C'est quel que je crouch? C'est-tu B? C'est-tu le joystick? C'est rouge. Non, c'est rouge. C'est une des premières affaires que tu veux savoir. Puis ça, puis changer tes guns. Parce que t'arrives à changer ton gun, puis demain, tu pitches une grenade. Ouais, moi, ça me fait tout le temps ça au moins une fois. Mais c'est pas ça que le monde chialait aussi sur des forums en ligne. Il disait, tu sais, hey, le shooter, là, c'est plate, tu peux pas voir les pieds de ton bonhomme. De la merde, là. C'est niaiseux, c'est... Le monde, c'est capricieux. Garde, BioShock Infinite, moi, je l'ai adoré, ce jeu-là. Dieu, ouais. Je commence à être capricieux, ce jeu-là. Ah, là. Tu peux pas voir tes pieds? Non. Ah. mais tu peux être capricieux pis en crime, là. Je veux dire, exemple, les vraies raisons pourquoi que le monde devrait être capricieux, c'est pas ça. Vraie raison. T'as le même dude partout. C'est comme la ville de Columbia est plein de personnes. T'as la même face partout. Okay. Je veux dire, t'as le generic white dude, generic black dude, generic racist white dude, generic freedom fighter black le, dude. Le raciste puis le pas raciste, c'est quoi qui les différencie? La richesse. La richesse. OK. Qui est le plus riche? C'est pas les noirs. Je veux juste dire dans le jeu là, c'est les blancs suprémistes. C'est pas nazi. Je regrette soudainement ma question. Quand je dis nazi, moi je parle extrémiste. George Washington, c'est un genre de dieu dans comme tu te rappelles comment dans Wolfenstein, t'avais le coudon, Hitler en Mexou. Ouais. Mais t'as un George Washington mec dans ce jeu là, qu'à chaque temps en temps il apparaît avec son gros chain gun, c'est George Washington. Y a-tu une toune super engagée américaine qui joue quand ce gars-là y arrive? Non, Stars and Stripes, genre. Non, mais à un moment t'as une quartet, tu sais là les barbershop quartet. Ouais. Eux ils chantent du Beach Boys. Pour vrai? Pis il y a des puis pas pour trop spoiler dans le jeu parce que comme on pourrait faire un podcast entier sur l'histoire. Ouais. Mais t'as une mécanique de riff où ce que tu rencontres le personnage principal ton coéquipier puis elle peut ouvrir des riffs puis out of nowhere pendant puis comme je te dis je suis rendu peut-être 12 heures dans le jeu puis tout ce que je pense à faire c'est asseoir je m'en vais jouer ça parce que j'ai peut-être la semaine puis jouer 2-3 heures par soir. Puis un podcast pas divertissant. J'adore ça. Ah, okay. Je préfère ça anyways. Foiré. Mais non. D'un coup, t'as un riff qui apparaît genre 12 heures dans le jeu, puis le riff, t'entends de la musique, puis c'est Fortunate Son qui commence à jouer, puis t'es des années 1900, puis t'es dans le passé, puis tout d'un coup, t'as un riff qui ouvre, puis t'entends genre comme la tune classique de la guerre Vietnam, des films qui jouent, puis en tout cas, c'est très rare, le jeu j'adore. Ah, mais comme je te dis, là, si tu veux être, tu chiales pas sur le fait que tu vois pas ton corps, là. Tu chiales sur le fait que tu viens de tuer 200 personnes, pis t'as encore le gant de prendre son café dans le café, là. Je veux dire, ça, c'est ça pour moi, c'est les affaires qui gossent. Ouais. Pas le fait que tu vois pas tes pieds, là, on s'en crisse de ça. C'est mais c'est un shooter, pis c'est le fun. Fait qu'on l'essaye, on la jette, on... Ça, on la jette, là, sans aucun jette. Doute, là. Ok. Je suis pas que je commence à faire une chronique de jeu, mais... Mais c'est ça. Milter? Donc, ouais. Moi, j'ai fait une couple de petites affaires. Okay. Premièrement, j'ai vu que sur Internet, il y a un site, c'est comment ça s'appelle? Collection.banque, ben, banque, B-A-N-Q. Oh, tu m'as déjà perdu. .qc.ca. Ouais. Non, ben, banque.qc.ca. Oh, ouais, puis, ouais, c'est les, y a les, là-dessus, ils ont mis les archives de Crow, la revue wow. Crow. De dans le temps, wow. Là, qui est comme Safari, mais drôle et vulgaire, au lieu de juste ouais, plate Safari, et rien. Ça a perdu son fun il y a 15 ans, genre. Ouais, exactement. Tu viens de me faire penser du premier chum de ma mère après le divorce de 23 ans. Il lisait Safari. Il lisait Safari puis Crow. Ben, gars. Qui conduisait une métro. Ben, non, Crow, pas une métro, une Suzuki Swift. En tout cas, Crow, c'était bien meilleur. Puis là, t'as toutes les archives gratuites. Fait qu'allez voir ça, là, je veux pas en parler trop longtemps, là. Mais avec ça Red vaut Ketchup peine. Dedans. Ouais, ben, Red Ketchup, c'était. Ah, c'est, oui, c'est plus oui. Pour ça, justement, que ça vaut la peine. Mais il y a les vieilles. Y a-tu du vieux stock de Crow, là, genre? Comme ça va jusqu'au t'as, début. T'as les archives, parce que c'était racial, ça. Ouais, ça pas pour rester sur le code de Bioshock Infinite, là, mais Crow, il avait pas peur, là, ben, les autres. Ben, c'était dans le temps quand t'avais le droit de dire de quoi, là. Dans le temps qu'Annie Murphy faisait un stand-up juste. Puis qu'il riait ses blancs, ouais. C'est ça, exactement. C'est pourquoi pas, ça pognait. Puis, ben, en passant, je sais comment danser. Hein. Ok, Andy Show, t'as entendu? Mais sinon, moi, j'ai eu le privilège d'aller voir un petit film, puis sinon plus, je vais pas en parler trop longtemps, là. Mais c'est un film coréen qui s'appelle New World. C'est comme un film de mafia, mais coréenne, avec un mix de Donnie Brasco, de policiers infiltrés là-dedans, genre, pis c'est quand même pas pire, assez il y violent. Il y a des séquences de fusils hallucinantes. Il y a des séances de méga gros couteaux de cuisine avec genre 12 coréens dans une petite ascenseur qui se stabent tout en gang. Pis c'est tout là filmé de haut là, fait que tu vois absolument tout. Là, tu c'est dis comme... que t'es allé voir. J'étais allé voir ça au cinéma du Forum. Ah ouais. Ouais. Pendant. Tu passe beaucoup de films étrangers aussi. Ben disons ouais. Qu'il était dans la plus petite salle. Il y a beaucoup de films. Il y a beaucoup de films Bollywood qui passent ouais, au MC ben, Forum aussi. Des affaires. Ouais. Là, c'était la petite salle cheap un peu. Il était midi 45 un lundi de Pâques avec le monde du travail. C'était pour dans le cadre de mon travail dans le fond. J'étais allé voir ça. Mais c'était écœurant. Cool. Ça sort genre au mois de juin en DVD ou quoi là, mais New World là c'est cool, justement. Moi je trippe film coréen, c'est nice là. Puis c'est vraiment hot le côté mafia, genre tu sais, sont comme hyper à l'aise de savoir qu'ils vont crever, tu sais. Il est assis dans le divan, il se fait un shooter de pas shooter mais un petit verre de Jack Daniel ou quoi. Il est assis là puis il y a comme 15 gars qui arrivent autour de lui avec des bâtons de baseball puis des wrench puis tout, puis c'est comme il sait qu'il va crever le gars, puis il est comme ben relax, je peux faire une top, ouais, une dernière petite cigarette avant de mourir, puis... Ben, ils ont fait ça dans plein de films de gangsters américains. Je le sais, mais c'est tellement à l'aise. Je fais juste le dire. Parce que dans ça, ils sont tous à l'aise. C'est ça qui est drôle, par exemple. Tout le monde, c'est comme, bon, c'est à mon tour. T'es-tu de l'école, là, que la Corée du Sud, ils ont réinventé le cinéma, même si c'est juste des films coréens super américains? Ouais, mais ils nous donnent qu'est-ce qu'on veut voir, des films d'accord, américains. Non, je suis d'accord, ouais. Qui donnent plus. Mais je dis, mais à la place, on va leur donner de la merde. Fait que moi je vais voir les films coréens qui te donnent quelque chose, pas rien coréen là, mais de tout genre là, mais ouais, autre que des films américains. Puis qu'est-ce que j'ai le plus aimé là, c'est que tu sais, tu regardes le film puis après tu fais comme, c'était pas Kevin Costner qui jouait dedans, tu sais, pas que j'ai de quoi contre Kevin Costner. Attends, mais là, mais le facteur dire, c'était écœurant là. Non, mais tu regardes le film puis tu vois juste genre Kevin Costner, tu sais, tu comprends ce que André. Je veux dire, je peux juste dire de quoi. Parle sur son facteur. Son facteur, on sait tous c'était quoi le pitch, right? Waterworld. Ben ouais. Dances with Wolves. Apocalypse. Ah. Même affaire. Kevin Costner. C'est Waterworld moins d'eau. Waterworld pas plus, d'eau. Plus une injection de Dances with Wolves. Ouais, un peu de l'eau, là. Mais, je m'excuse. Non, mais en tout cas, moi, ce que j'aime de ces films-là, c'est que je le connais pas, le gars, tu sais. Oui, ok, je le vois souvent dans des films, certains plus gros, non, là, tu sais, t'y reconnais ou de quoi. Ouais. Mais je veux dire, le gars, t'es capable de croire le rôle qu'il a parce que c'est pas Kevin Costner, c'est pas Brad Pitt. Ben, c'est parce que t'as pas de préconception de l'acteur, c'est dans sûr, le fond. Tu l'as jamais vu dans rien d'autre, fait que tu sais pas c'est qui, pis. Puis j'aime ça. Moi, j'ai trouvé ça bon. Puis le côté violent est très, très intéressant pour moi. Très ça commence avec une face de Coréen en sang, pis il y a comme un gars il vient péter le pied à coups de marteau juste pour le torturer parce qu'il est supposément un stool, mais puis je pense qu'il l'aimait pas. On n'a pas le temps de le savoir, il meurt. OK. Mais, en tout cas, ma vraie actualité. Ah, oh, ça l'était pas. Non, mais okay. Vous me posez des questions. Oh, Milter le Ninja, il a appris des ça. J'ai un de mes amis qui est venu chez nous, puis on a joué un jeu parce que lui, c'était un geek de board game, genre, là, lui, les jeux de société, il capote. Puis là, il en a trouvé un jeu de zombie, puis il m'a dit, je m'en viens chez vous, on joue à ça, puis on est avec nos blondes. Ah, c'est un jeu en coop, genre, puis ça s'appelle Zombicide. C'est un jeu qui a pogné sur Kickstarter, justement, puis là, ils sortent ils appellent ça des saisons, fait qu'ils vont sortir saison 2 avec des nouveaux personnages. Puis c'est carrément comme un RPG, board game, mais en gang coop, là. Mmh. On joue pas contre, là, on n'est pas en train de se battre, de se combattre. Donjons et dragons. Mais toi, t'as aimé jouer à ça longtemps, hein? De quoi, dans le temps, tu parles? Ouais. J'ai déjà joué à Dungeon dans le temps, pas si longtemps que ça, mais ouais, j'ai déjà aimé, puis... Non, mais ta game de Zombicide a duré longtemps, la game de Zombicide, ouais, ça a duré comme 3 heures, là. Mais, tu sais, c'est... Il y a quelque chose que je manque, plus, là. Non, mais Milter, c'est parce qu'il est bon dans les jeux de société, il dure longtemps, et... Ben, ça dépend. Il meurt pas au début de la game. Celui-là, non, moi, je suis mort vite, mais la game... Ah, OK! Ben, aussi, vu que c'est un jeu de coop... Il y a 6 bonhommes puis on est 4. Fait que tu sais, c'est comme on en contrôle d'autres. Là. Fait que moi, mon personnage principal, il est mort parce qu'on s'est fait envahir puis ils m'ont sacrifié en plus. Sam consulter là, les 3 autres, tu regardes, tu dis, OK, ben gars, c'est lui le plus faible, c'est lui qui prend tous les hit points, il meurt. Mais tu dis les 3 autres, les personnes autour de la table? Les 3 amis, pas les autres personnages. C'est-tu incluant ta blonde, ma ça, blonde, par pur hasard, à te sacrifier? Ben oui. Ben j'étais le moins fort dans la gang, pauvre. On était là, en tout cas, c'est compliqué comme à expliquer de politique même, de monde zombie. Mais le pire, c'est super le fun comme jeu. Puis il y a du monde qui disait, moi, j'avais posté sur Facebook, il disait, ah, zombie, le jeu zombie, gars, j'ai des jeux là, de zombie, là, je l'ai, j'ai les expansions pis tout, pis Zombicide, c'est beaucoup mieux, là. C'est beaucoup plus c'est-tu, fun. C'est-tu, vous autres, que je pose ça comme ça, les gens qui étaient avec vous, juste une personne qui avait joué ou juste le couple qui était chez vous? Les deux couples, pas les deux couples. On était deux couples, l'autre couple avait déjà joué. Puis le learning curve puis, pour que vous soyez dedans. C'est easy au bout, puis le jeu, il est fait techniquement que tu peux t'asseoir tout seul, puis jouer toi-même. Fait que genre, c'est pas comme expliquer Settlers of Catan à 3 personnes qui ont jamais joué. Non, exactement. Ah, man, ça, j'ai joué une fois, puis j'ai même sacré un coup de wrench dans la face. Souvent, c'est ça de même aussi que j'ai trouvé cool. C'est mais que t'as comme une character card, là, t'as une carte avec ton personnage, parce que tout le monde a des stats un peu différentes, des skills différents, pis tout. Mais, les cartes, c'est comme tu mets des petites cartes pour dire tes armes, pis ton énergie, pis tes enfants. Ouais, mais il y a une application, Zombicide. En plus, carrément ta carte. Fait que moi, vu que je venais d'avoir mon iPad il y a pas longtemps, j'étais allé le downloader tout de suite. Puis j'ai la place de jouer avec ma carte sur une chose, puis rajouter mes points d'expérience manuellement en comptant. Ben j'avais l'affaire, puis ça disait comme combien de walkers t'as tué, genre un ou deux, puis là je faisais calcul. Il est sorti? Ouais, je l'ai l'application. Non, le jeu. Ah, le jeu, tu peux l'acheter sur Kickstarter ou sur Internet. Puis la saison 2, elle sort dans septembre, si je me trompe. Combien ça vend ça, Milter? Je pense qu'il est 100$ le jeu au complet, mais tu sais, c'est des grosses cartes. Ouais, c'est un going rate pour un bon board game. C'est avec un bon puis jeu ils vendent des personnages, là, genre, là, il y a des places, genre, si tu réserves justement ce Kickstarter ou quoi, tu peux acheter plein de personnages de plus. Puis, ils ont-tu fait l'affaire que si tu donnes beaucoup de cash, tu t'as toi comme personnage dans le jeu? T'as vu ça, justement, ou je sais pas si non, mais il y a beaucoup de Kickstarter qui vont faire ça, c'est qui t'inclut parce dans pour le la saison 2, justement, comme ils disent, il y a eu 3 places offertes qui étaient 2000$. Mais t'avais tout le kit au complet. Okay. Puis genre, ça s'est vendu en genre 1 heure, je pense, c'est de quoi de même. Là. Ouais, c'est cool, mais 2000$, puis ils te faisaient toi en tant que personnage pour dans le jeu. Puis t'avais ta petite figurine, mais tu sais, en plastique, là, un petit pion de mais on s'entend que si on veut, tu peux prendre ton paladin de Donjons et Dragons. Ça, c'est un des champs qui ouais, mais il te ressemble pas, là, puis il n'y a pas une carte de toi avec ton nom. Puis, wow, okay, excuse. C'est hot. Moi, j'aurais pas payé 2000$ pour ça, là, c'est sûr. Là. Ben, c'est sûr. Ben, ça dépend. Regarde, d'être un millionnaire ben, richissime. Ouais, mais je le suis pas, fait que je pense pas de même pour l'instant. Je me mets dans ma peau, mais... C'est ça. Non, mais ça a bien l'air. Fait que tu dis que c'est sur Kickstarter, c'est Zombicide. Ouais, sur Kickstarter, c'est Zombicide. Ben, c'est à peu près ça. Je pense que tu peux avoir des deals, tout dépendant des packs, tu veux, là, tu sais, des options, là. Comme il me disait, lui, parce que moi, je me fie sur ce que mon ami m'a dit. Il dit, c'est full customizing, là. Tu sais, tu peux te commander des personnages à l'unité, tu peux te monter des packs, puis tout. Puis les autres, ils disent, ben, ça va te coûter 200. Clac. tu réserves tout de suite, puis dès que le jeu sort, ils chipent ça. Oh, ok, c'est vraiment génial ça. Ben, merci pour la découverte, c'est cool. Comment? Pas toi, Fou du Roi ou... Je le sais pas. Il y a le, tu peux être la bottom dans Monopoly? Allez voir, informez-vous si ça vous tente. Là. Ah non, mais ça m'intéresse. Non, c'est sûr, on va aller regarder ça. Puis au pire, on mettra le lien sur la page du... la page officielle Facebook. Ouais, je le trouverai, puis je le mettrai quelque part. Ben, l'heure, ça. Monsieur Nick? Salut. Salut. Ça va? Ben oui, toi? Ben oui. Ah, je m'en fais de son sujet, lui, j'ai hâte. Ben, pour recommencer, je vais juste faire un petit, une petite parenthèse avec le ballon blanc. Je suis pas allé. Pour deux raisons. Okay. J'ai deux bonnes raisons. Premièrement, mes pantalons blancs étaient chez le nettoyeur. OK. Puis j'ai peur de David Guetta. Fait que c'est... David Guetta qui ressemble à... Owen Wilson sur l'ecstasy. Qui était normal pour le ballon blanc. Non? Avec un nez cassé ou quoi. Là. Ouais. Puis, ah, il y a ce nez-là. Sinon, c'est pas passé grand-chose cette semaine. Il y a un gros nez bizarre, hein? Cassé, genre. Ah oui, ben, c'est toi qui as commencé sur le Owen Wilson Guetta. Oh oui. j'ai commencé à jouer à Saints Row the Third en retard, mais bon, c'est vraiment cool. J'en parlerai pas plus longtemps que ça. C'est juste un on pourrait en parler pour un heure. Oui, je sais, mais c'est justement. André veut pas qu'on parle de ça. Quelle voix que t'as choisi? Quelle voix que t'as choisi, si je demande? Je sais pas. Ah, il a pris la voix, je pense, du bonhomme irlandais, écossais, quelque chose. Ah mon ouais, le Cagney voice. Mon personnage a les cheveux longs et roses, là. Il est vraiment. Et une moustache. Il a une moustache. Comme Steve, si tu veux t'amuser, là, tu prendrais la voix zombie. Elle fait aucun sens, mais c'est drôle, voir ton doute, jusqu'à prendre à tout le monde. T'es comme mais un handicapé qui... Sinon, fait du crime. Excuse-moi. On allait de parler de Saints Row, ce qui est du coup. Un peu de discipline sur le plateau, s'il vous plaît. Comme plusieurs d'entre vous savez, il y a Evil Dead, le remake, qui sort demain. Puis j'ai vraiment hâte. Moi, sûrement, y aller demain le voir. C'est aussi. Demain? Je pensais que c'était la semaine d'après. Excuse-moi. Mais en fait, non. Puis il y a même une représentation ce soir que je peux pas aller parce que je fais un esti de podcast. Ah. C'est quoi le nom de ce podcast? En fait, vas-y, on va rester chez vous pour boire ta bière. Mais moi aussi, ça se peut que j'aille demain. Mais c'est en joke, j'ai vraiment hâte de le voir. Mais tout ça pour dire que encore cette semaine, ça génère beaucoup de hate. Faut que tu donnes des exemples si c'était hate. Ah, ça va être plate parce que c'est un remake. Cavern. Ça va être. Ou bien, ils ont pas le droit de toucher à ce film-là. Dis Sam Raimi. Il y a comme une personne. Qui a le droit de dire ça, pis c'est Sam Raimi. Sinon, oui, vous avez le droit, pis Sam Raimi, il produit. Il est très content. Bruce Campbell, il produit. Très ils ont approuvé, c'est. Fait que. Mais ça, je pense, on en avait parlé, mais je pense qu'on va en parler tout le temps parce que le monde, il y a une tendance, pis c'est une tendance en ligne, parce que dans la vraie vie, le monde sont beaucoup plus optimistes, j'ai remarqué, mais quand t'es sur Internet, il y a une grosse tendance à détester le stuff. Non, avant mais, même de le voir. Ben, c'est ça. T'as pas vu le film. Moi, va le voir, si tu trouves ça plate. T'as payé 10$, t'as le droit. Écris une critique de deux pages, tu veux, de dire à quel point c'était plate. C'est legit, tu l'as vu. Mais là, le film n'est pas sorti. Assumer que c'est plate. Depuis que le projet est annoncé, que le monde dit « ça va être plate, ça va être plate, ça va être plate. » Calmez-vous, tabarnak. RoboCop, les Turtles. Non, mais c'est ça. André, le fan des Turtles, là, tout Christian, je pense que t'es un fan aussi des Ninja Turtles. Ouais, mais d'où? C'est Aliens, là. Les Aliens, ouais, c'est ça. Quand vous avez entendu ça, vous avez capoté. Ouais, mais attends un peu, je trouve que c'est bien correct, les Aliens. Les extraterrestres, nécessairement. Comment t'as pensé à ça? Mais c'est plus Teenage Mutant. J'étais un fan des Turtles, mais c'est ça aussi, je m'y dis. C'est plus l'origine. J'ai bien hâte de voir comment ils vont. Sauf qu'il y a du monde qui capotait, là, vraiment, qui... Ah, mais c'est parce que ça pourrait s'appeler... Des bombes qui allaient sauter. Teenage Alien Ninja Turtle, pis à la limite, j'aurais été correct avec ça. Mais tant que ça... Non, attends. T'as plus la colonne TNT. André, techniquement, veut un Teenage Mutant Ninja Turtles qui a Pitbull qui fait un music video dans le milieu. Non. Non, mais il y a eu un short film sur YouTube, il y a pas longtemps, avec je sais pas Pitbull. Si t'avais vu. Non, c'était une fille, April O'Neil, elle se fait attaquer, puis t'avais un Raphaël qui venait la sauver. Je sais pas si vous avez vu ce short ça, film-là. C'est cool, ça, Mais tu vois, ça, c'est le genre de film que je paierais pour aller voir. Parce que c'est un peu plus noir, un peu plus dark, puis ça revient un peu à l'origine des Eastman and Laird, mais, tu sais, c'est actuel. Puis ça me dérangerait pas, mais tu sais, change pas la mythologie, change pas toute l'histoire. Tu sais, regarde, arrêtez là, de vouloir faire « Ah, on va actualiser ça, mais on va... » C'est plus des tortues, mais... c'est rendu des guinea pigs. Pis... Ben, rendu là, c'est « Biker Mice from Mars ». Ben, c'est ça. À la limite, fais ce film-là si tu veux scraper une histoire. Parce que mais pour revenir à l'affaire d'Evil Dead, de toutes les personnes, comme je peux comprendre, il y a un hate à certains points que tu peux trouver. Comme RoboCop, Teenage Mutant Ninja Turtles, t'as Jerry Bruckheimer en arrière tout ça. Je veux dire, le hate, il est écrit dessus pour qu'il y ait du monde qui ben, t'attaque dessus. Mais le Evil Dead, là, c'est Sam Raimi, man. Puis le dude, là, bon, il a financé, le premier film l'a financé avec des dons de dentiste. Je veux dire, il a le droit de finalement faire de produire puis mettre du gros cash dans une vision qu'il aurait aimé voir. Ben, c'est ça. Dans le remake, j'étais content de savoir ça, il n'y a aucun CGI. C'est que des props. C'est que des props du fake blood comme à l'époque. À l'ancienne, puis gamme. Moi, j'ai hâte de le voir, puis ceux qui veulent pas le voir, qui n'allaient pas le voir, c'est tout, là. Il y a personne. J'ai tué un bébé fuck. Il y a personne, là, mais il y a personne qui force personne d'aller le voir. Si vous trouvez que ça avait l'air plate, ok, mais pas la peine d'en faire un statut Facebook à chaque surtout semaine, si à quel point ça va sûrement être plate, c'est comme. Puis aussi, juste pour finir avec le sujet, mais il finissait en plus en annonçant un Army of the Dead, Army of Darkness. Ben, ça, il veut. Ouais, Sam Raimi va faire, il a parlé de faire Army of Darkness 2. Ouais, il est en train de pitcher ça, là. Wow. Puis ça, ben, ça, c'est avec sûr. Avec Bruce Campbell. Ça, c'est sûr que, écoute. C'est un must. Fait que oui, là, mon Evil Dead remake, fait avec du cash. Et en plus de ça, fan service, Army of Darkness 2, ça, ça va être vraiment cool, ça, sans doute. J'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est ça. Merci, Nick. C'était ma montée de lait. C'est correct. Arrêtez de détester les choses. Merci. Ça fait changement de t'entendre ne pas parler de lutte. Puis on n'embarquera pas là-dedans. C'est WrestleMania dimanche. OK, ça arrête là. Merci, Nick. Christian, toi, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi cette semaine? Ouf! Pas grand-chose. Pas grand-chose? La routine. La routine, travailler. J'ai travaillé sur la toile, dans le fond, justement, qui est sur le tiers. Ah oui! Ouais, excellent! Ça s'en vient pas pire, ça? Ouais, ta moitié est finie. Désolé, après, la net of please, je savais pas comment l'intégrer dedans. Dans le fond, là, ce qui est le fun de ça en plus, c'est que, ben, on va, je pense, démentir un tabou. Oui, un concours. Oui, les gens gagnent une de tes toiles. Les gens ne choisissent pas la toile. Non. Les autres toiles, toutes les toiles, dans le fond, ben, il y a, sur mon annonce, il y a comme 4 toiles. C'est juste 4 toiles sur les 10, 11 toiles qui vont être présenté le 25 avril. C'est juste un exemple, dans le fond. C'est, la toile qu'on... Pour que le monde sache environ le style d'art. Ouais, exactement. Fait que ce qui s'en vient, je sais pas si on... On peut expliquer. En fait, personne autour de la table, sauf nous autres, est au courant du concept de la toile. Ah oui, il y a personne qui... Non, ça c'est. En gros, on. Même nous autres, on l'est pas tant que ça, je pense. C'est plus André. Christian était willing de prendre un défi. C'est que j'ai demandé à chaque collaborateur ce qu'il aimerait voir sur une toile à thématique geek. Puis tout le monde m'a nommé une chose. En passant, il nous a donné 36 minutes pour faire ça. Ouais, exactement. Puis il nous a pas dit c'était pourquoi exactement quand il nous a dit. Je voulais de la spontanéité, je voulais de quoi de rapide, d'impulsif. Avoir su que c'était pour la toile, j'aurais peut-être envoyé d'autres choses. Peut-être. Surtout Rick. Mais ce qui est intéressant, c'est Rick, que c'était le plus hot. J'ai vu un peu à quoi ça ressemble. Puis Christian, il livre la marchandise à date parce qu'il y a eu des affaires vraiment pas faciles à travailler avec. Quand même, vraiment. C'est quoi exactement qu'on a donné sur la toile? C'est, toi, Milton, c'est quoi t'as demandé? My Little Pony, c'est quel donc? Twilight Sparkle? Twilight Sparkle, ouais, excuse. C'est ce que tu veux donner, le My Little Pony, c'est ce que t'aurais dit. Mais non, c'est ça qu'il a dit. C'est ça que j'ai dit, j'ai Twilight Sparkle. Je voulais en mettre Rainbow Dash, mais je sais pas pourquoi. Ah, fait que si t'aurais réfléchi, t'aurais juste choisi une pouliche différente. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais je cherchais le nom de Twilight Sparkle, mais au début, je voulais mettre Rainbow Dash, j'ai changé, parce que j'aime mieux les couleurs de l'autre. Ok. Toi, Mel, c'est quoi qui était ton choix? C'est Deadpool. Deadpool? Toutes les filles choisissent Deadpool. C'est cool, hein? Deadpool, il y a la coche. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il est en mode, le sexe féminin depuis de quelques mois. Il est nonchalant, puis... Il aime ça, les bad boys, puis... Sa peau décolle. Éric, toi, t'as choisi quelque chose de particulier. C'est une photo que j'adore, mais c'est comme un genre de Andre 2000 look-alike qui était pris sur un métro de New York en train de tricoter, faire du crochet. Du crochet. Il est en train de faire du crochet, puis en plus de ça, il est habillé dans son crochet. Puis... Ben, habillé de la tête aux pieds. Mais là, je t'ai envoyé la photo qui a en plus le excellent genre de titre qui est Nita Please. Nita. Pour mon côté, moi j'ai choisi le Dramatic Prairie Dog, dans le fond, là, la petite marmotte qui finit avec la toune. Puis je peux juste dire qu'André a techniquement eu un bout de temps pour choisir. Ensuite, il a dit choisissez. Non, non, non, c'était impulsif au bout. J'ai pris la première affaire qui me passait par la tête. Toi, Nick, t'as choisi quoi? Ben, moi, c'est des circonstances. On parlait d'Evil Dead tantôt. J'ai choisi Bruce Campbell. Avec sa chaîne, ça. Ben, non, mais j'ai pas précisé. C'est Bruce Campbell. Il peut, peut avoir être Bruce Willis. Il peut être dans sa piscine aussi. Il peut être dans Elvis. Là, ce qui me démange, c'est que. C'était quoi ta première réaction quand t'as eu tous les choix, Christian? Là? J'avais aucune idée comment tout mettre ça ensemble. C'était comme, c'est n'importe quoi. Mais gars, je me sens mal. Je me sentais, en fait, quand il a dit ça, je me sentais mal. Je me suis repris. Puis là, il était comme, non, tu deal avec ça. Fait que c'est de sa faute. Mais honnêtement, t'as réussi à t'en tirer, t'as réussi à faire quelque chose. Ouais, parce que j'ai choisi trois choses. OK. Parmi les cinq. C'est 5, ouais. Ouais, ouais, exactement. Ah, t'as juste pris 3 choses, t'as pas mis les 5 avant ça. Non, j'ai pris 3 choses qui fait pouvaient que se mixer please. Ensemble dans une toile. J'ai pris Bruce Campbell. J'ai pris le pony. Ouais. Que j'ai fait, parce que dans le fond, c'est une licorne pony. Non, tu l'as eu ton Deadpool, je suis sûr. Puis, non, j'ai dû prendre le... Pourquoi? Le petit chien de la prairie. Oh. Mais honnêtement, j'ai vu un petit teaser, puis ça a l'air vraiment malade. Fait que les gens, on vous invite à participer au concours. C'est simple, vous allez liker notre page sur Facebook, vous allez carrément sur le lien de la photo, vous laissez un commentaire, puis vous allez être éligible pour pouvoir gagner. Vous voyez pas les larmes sur les yeux de moi et Mel en ce moment. Wow. Hey, c'était bon, pas les matériels. Ben... Puis André, il a pu dire, il va en choisir trois. Il va dire, non, choisissez tout un, quelque chose, tout de suite. Ben, il a fallu que, honnêtement... Je sois un petit peu. Le gars, il fait quand même une toile gratis. T'es pro. C'est la couche de fond. Ça te prend combien de temps en moyenne pour faire une toile, Christian? Ça dépend de la grosseur. Ça dépend. J'en ai qui a pas. J'ai passé peut-être des 4 heures pendant une semaine. Okay. Chaque soir. Wow. Dr. Doom, elle, ça a été. Excusez-moi. Pas de trouble. Non, s'il te plaît. Ça a été une des premières, mais la première dans le fond pour l'expo. Okay. Puis j'avais la misère avec le vent, j'ai dû recommencer une couple de fois. Une question pour Dr. Doom, c'était-tu aussitôt que Grumpy a sorti, t'es inspiré? Ou parce que moi je me rappelle l'avoir vu random out of nowhere, je savais même pas que des gens te connaissaient, mais c'est quoi que t'as inspiré à faire cette peinture-là? J'adore Dr. Doom. Parce que, en même temps, j'ai un de mes rappers préférés, qui c'est MF Doom. Ouais, il est cool, ouais. Dans le fond, Dr. Doom. Il y a le masque en plus. Ouais, ouais. Mais c'est un masque de gladiateur, dans le fond, qu'il y a. Ouais. Ouais, ça ressemble. Il y a le masque pour que ses chums aillent faire des shows pour lui des fois, mais ça, c'est une autre histoire. Il vient jamais, j'ai acheté mes billets, puis nulle part où il fait ses shows. Je veux dire, même au States, j'étais allé voir un show, puis jamais. C'était même pas lui, ouais. Non, mais c'est jamais pointé. Il annule tout le temps. Ah, ouais. Comme Daft Punk. Pour vrai? Ben, en tout cas, j'adore Daft Punk, mais continue, excuse. Pour en revenir que. Moi, j'adore Grumpy Cat depuis, dans le fond, que il est sur le web. Puis, je sais pas, je me suis levé un matin, puis j'ai vu la face, j'ai regardé Dr. Doom, puis après ça, je fais comme shit. Je dis, sur sa bouche, il a l'air grumpy, un peu comme le Grumpy Cat. En mangeant une toast, tu regardes l'internet. Oh my god. Parce qu'au départ, tout départ, j'étais censé te faire une série de toiles qui était sur les vilains. Les vilains, okay. Chacun avec un animal. Puis, je cherchais pour Doom, puis là, j'étais arrivé, ah, ok, le Grumpy Cat, puis ça y fitait. C'est cool, pareil, comme concept. Ah, j'adore, moi, quand je l'adore, je l'aime bien. J'ai téléchargé en passant, je veux dire. Non, même, il est dans mon disque dur. C'est correct. Je pense qu'il y avait des gars sur le web, un magazine indépendant à New York qui s'appelle Frank 151, qui ont ils l'ont mis sur leur Instagram. Puis je veux dire, ça a été un gros hit. Je pense que ça avait été sur Reddit en plus. Ouais, c'était sur Reddit. Quelqu'un qui l'a mis sur Reddit. Non, ça a été. J'ai beaucoup de demandes. Est-ce que tu as eu du karma? Jamais sur Reddit, c'est pas moi qui l'ai mis, fait que j'ai aucune idée. Il y a quelqu'un qui a pris ton cœur, man. Moi, je suis curieuse. Une de tes toiles, ça se vend environ en quel barème de prix? Barème, c'est dur. Entre quoi pis quoi? C'est dur. C'est pas ce que tu dis, viens au show. Ouais, c'est ça. Non! Viens négocier au vernissage. Viens négocier au vernissage. Non, mais. Une idée. Je peux te dire, ok, que. en moyenne, je suis pas le peintre professionnel encore à ce niveau-là. Je pourrais dire qu'une 36 par 36, ça peut se vendre à 600 quelques piastres, je dirais à mon niveau. Mais il y a des gens qui vont faire une 36 par 36 qui vont la vendre 2000, 3000 piastres. Ouais, non, ça dépend aussi. Donc, tu dis que c'est le bon moment de t'acheter une toile à prendre la valeur. Ouais, exactement, parce que c'est dans les débuts. Puis, le temps que tu te mettes sur Reddit, là, je pense, là, puis quand ça ouais, mais boosts, non, ouais. Ouais, prendre ton karma. Faire ton nom là-dessus. Fait que dans le fond, la personne qui va gagner la toile, avoir une de tes toiles à tes débuts, signer des choses comme ça, puis ça va prendre la valeur éventuellement en plus. Ouais, exclusif à Geek Collectif. Fait que... C'est bon ça, ben merci de faire affaire avec nous. Ah, bien content de t'avoir avec nous. Ouais, moi je trouve ça bien cool. Moi j'aimerais ça que tu nous expliques un peu ton parcours, puis là on parle grandement, mais tu fais quoi exactement? Là on explique tes toiles, une toile avec Grumpy Cat puis Dr. Doom, t'as du monde qui vont se dire wow, c'est... premièrement c'est hot, mais deuxièmement ça sort d'où? C'est quoi ton parcours? T'as commencé où? T'es-tu juste arrivé et à un moment donné, tu t'es mis à peindre et tu t'es dit je vais faire des manchettes, des choses comme ça? Ou... Au niveau de la peinture, je pourrais dire que j'en ai fait pendant un bout. Okay. Je faisais à l'acrylique. Je tripais moins. Je faisais du dessin, j'avais arrêté pendant un bout. T'es-tu toujours pas mal dessiné depuis que ouais, ben, depuis que je suis jeune. J'ai pas mal dessiné tout le temps. J'avais un oncle, quand j'habitais au Venezuela, je suis né au Venezuela, j'avais un oncle que lui, il avait une shop en arrière de sérigraphie. Puis il faisait des t-shirts, il faisait des stickers, il faisait un paquet d'affaires. Puis j'avais mon cousin que lui, il dessinait aussi. Puis c'est lui qui m'a peut-être un peu, dans le fond, il m'a amené à faire les dessins avec mon oncle, parce que mon oncle, lui, il dessinait, il faisait de la peinture, ça a été comme... une de mes idoles, ouais, c'est bord, ça. Complet. Je suis plus sorti de lui, je te dirais, que mon père ou le restant de la famille. Ouais. C'est le seul artiste qu'il y a dans ma famille, c'est mon oncle. Puis, c'est là que j'avais commencé. Je faisais un genre de bonhomme en rond. C'est un peu comme Cool Spot, je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'était pas le personnage de Serena. Ouais, ça, c'est le personnage de Serena, puis il a marqué un peu. Le jeu de Super Nintendo, en plus, c'était bon, ça. Ouais, un jeu de David Perry. C'était pas Genesis ou Super Nintendo? Il y avait les deux plateformes. C'était un jeu de Virgin. Virgin Games. C'est vrai, ça. C'est bon. Fait capoter là-dessus. Fait que tu dessinais Cool Spot. Ouais, après ça, je continue. Dessinais autre chose, je suis arrivé après ça au Canada. J'ai dessiné, je continue à dessiner, j'ai pris un cours de dessin. Saint-Denis, coin du Lut, une Française qui donnait des cours. Coupé Nowhere. Ouais, Coupé Nowhere, je faisais n'importe quoi un peu. Là. Elle me faisait faire du copiage un peu, là. Ben, je veux dire, sur des personnes. Après ça, j'ai eu l'époque Dragon Ball en 96, 97. Fait que beaucoup de feu puis beaucoup de face avec des muscles. Ouais, ben non, mais c'est là que j'ai tombé un peu dans tout ce qui était cartoon, manga. Puis, beaucoup de temps gaspillé sur ton bureau à l'école. Ouais, ouais. Ah, non, mais ça, j'en faisais à l'école, puis il y a du monde qui continuait un peu après. Ouais, c'est cool. ça prenait du temps avant que, même, je pense que les profs, je sais pas s'ils négligeaient, ils laissaient là, ou, whatever, mais, ben, j'ai commencé à dessiner, puis il y a quelqu'un qui était à ma place, qui dessinait aussi, puis qui continuait le dessin en même temps. Il y a peut-être un bureau qui va prendre la valeur éventuellement. Ouais, parce que là, moi, je pensais que tu dessinais sur du papier, mais carrément sur un bureau. Puis là, parce que les gens, ils dessinaient par-dessus le... Ouais, ouais, ouais. Fait qu'il y avait du monde qui sniffait le vernis du bureau, puis toi, tu dessinais pendant ce temps-là. Ça te va bien, là. Puis, ça a évolué. Je veux dire, avec les années, ça a changé. Puis, après ça, tu sais, j'avais fait beaucoup... Je m'inspirais beaucoup aussi, un moment donné, j'étais arrivé vers les Marvel. Marvel, c'était avant, dans le fond, ma passe animée. Donc, OK. De manga. J'aimais beaucoup, pendant un bout, j'adorais Greg Capullo de Spawn, dans le fond, qui aurait pris Spawn, parce qu'au début, c'était qui? C'était pas premier, McFarlane, mais ouais. Je pense qu'il y avait un autre qui dessinait, parce que McFarlane, dans le fond, il fait l'histoire. Ouais. Mais il y en avait un autre qui dessinait, comme le premier, deuxième, troisième. Okay. Quand même, c'était pas Greg Capullo. Après ça, il était arrivé. Puis, ses dessins étaient assez dark, puis j'adorais ça. J'ai après fait une série de trois comic books qui s'appelle The Creech, que j'adorais. OK. C'est pas mal ça. Ah, c'est cool. Puis, chose qui me dit que t'es un gros fan de comics et de manga. Ouais, quand même, mais j'ai abandonné le comic pendant un bout. J'arrête, je reprends. Ouais, c'est. Moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai arrêté, là, à Londres. Mais ouais, ça coûte cher. Tu sais, j'avais repris, je pense, c'était en 2003, 2004, j'avais recommencé à m'en acheter. J'avais acheté les Batman and Robin de Frank Miller, qui ont arrêté après ça au numéro 4, je pense, ou 5. Puis après ça, ça a été un high-end pendant genre deux ans, je sais pas. Puis ça, c'est, dans le fond, quand ils ont arrêté, j'ai arrêté, dans le fond, d'en acheter. Là, je recommence des fois, de temps en temps, j'en achète. Ouais, à Star, j'achète, je sais pas si tu t'aimes ça, mais les genres de, pas des hardcover, là, mais des graphic novels. Là, ouais, mais, dans le fond, un regroupement. Des trade paperbacks. Un regroupement, dans le fond, de. Ben, si le hardcover, pis il y a pas de. Mais c'est vrai que c'est le fun d'acheter, là. T'as une série, ben, t'as comme une histoire complète. Tu cherches plus, t'as une histoire au complet, tu sais, des fois, ça arrivait, là, moi, quand j'ai acheté à toi et moi, là, mon gars, pour une raison, je sais pas quoi, de distribution, que à Star, je comprends mieux, parce que je suis plus vieux, pis je sais comment ça marche les business. Il le recevait pas un mois, tu sais, pis là, t'es comme, moi, je voulais mon numéro de Spider-Man, ou de peu importe, pis comme le gros punch, je l'ai pas ce mois-là, ou quoi. Ah, pis oublie ça, tu le passes, sur un voyage sur le bol. Des fois aussi, c'est avec. Même pas, ouais. T'avais d'autres séries qui embarquaient sur d'autres séries. Ouais, des factures. Pis il faut que tu suives, dans le fond, un autre pour pouvoir suivre cette histoire. Ben, comme Civil War qui avait fait que si tu suivais pas, mettons, Hulk, ou tu suivais pas telle affaire, il te manquait un bout d'histoire. Tu suivais pas absolument tout le monde, Exactement. Ben, je pense que les, 97, je sais pas quelle année, 95, ça va être Superman qui, la mort de Superman. Ouais, après ça, il y avait comme. Le bleu pis le rouge, genre. Ouais, non, mais il y avait le Cyborg, Il y en avait quatre, mais en même temps, t'avais les gars de Justice League qui continuaient une autre série, pis je veux dire que là, ça comme. Il était pas vraiment... La mort de Superman. J'ai arrêté à la mort de Superman quand ils ont commencé à aller partout, là. J'ai dit, j'étais content avec ce que j'ai eu dans. T'avais Life of Death of Superman, en plus, qu'il y avait ça. J'ai dit encore, j'ai dit comme trois fois. Moi, je suis pas un gars de DC pis de Superman pantoute, là, mais c'était quoi l'affaire du bleu pis du rouge? Excuse-moi de couper ça là-dedans, mais, tu sais, quand il y avait comme un Superman qui était juste bleu pis là, comme un, Superman, t'as juste deux Superman, t'as Superman pis t'as le Bizarro qui est comme... Ouais, il y a eu chez Sequel. Mais non, tu parles des kryptonites, la kryptonite rouge. Je pense que c'est quand qui s'avait splitté en quatre, là, comme je disais. Non, ça c'était des personnes qui ont repris comme Man of Steel, qui ont fait un film avec Shaquille O'Neal. Ah, c'était tellement bon, ça. Puis, c'est des gens qui ont repris, parce que Superman était mort. Le concept de, genre. Non, Superman était mort. Puis, il y a plus de Superman. Qui va reprendre, dans le fond, la peau de Superman? Oh. Fait que là, t'avais Man of Steel, t'avais Cyborg, t'avais Last Son of Krypton, t'avais, C'était pas Teen ou quelque chose dans le même? Non, non, Superboy. Superboy. Ouais, Superboy. Il était là. Ouais, puis moi j'avais 16 ans, pis j'étais comme fuck you. Ah, mais le Cyborg. Moi je trouvais le Cyborg intéressant dans ce temps-là, parce que c'était le premier Superman qui tuait. Tu sais, c'était vraiment Cyborg, il était psycho, il tuait. Il avait comme. Il ressemblait au T-1000. Ouais. Pis l'artwork était vraiment incroyable. Faut que. Moi j'avais tellement vu un moment émotionnel de la mort de Superman, pis ça a tellement pris du temps que ça aille, pis on savait que ça s'en venait. Puis à la fin, là, quand j'étais mort, puis là, j'ai vu, j'étais comme, ils l'ont tué pour ça. Oh, là, j'étais en tabarnak Mais j'ai peu. Pas compris la mort. Là, c'est juste... Ben, c'est parce que, le plus, la mort, c'était pour vendre. C'est symbolique. Ouais, c'est quand même. Parce qu'après ça, il est comme marketing. Non, dead. Mais non, il est revenu après. C'est ça le pire, c'est que là, après ça, il est revenu. Il comme une forme de liquide. Ouais. Mais moi, le fuck en plus, c'est que, tu sais, je suivais pas DC plus qu'il faut. Je m'en rappelle, tu sais. Je l'ai acheté, moi. Il était-tu en plastique blanc, c'est ça? Je l'ai chez nous, je pense qu'il est même pas ouvert parce que j'aime pas ça, Superman. Puis j'ai juste fait comme... Ben, c'est cool, coûte tu veux déjà 300 Mais il avait refait, BD, moi aussi, parce qu'il avait refait plus, Superman de la même manière qu'il avait refait Batman à la fin des années 80. Ouais. T'as eu le Dark Knight Returns puis le Dark Knight. Mais il avait fait Man of Steel aussi, qui était d'après moi une série excellente de Superman. Mais le pire là-dedans, tu sais, comme je disais, c'est que j'étais là, je voyais le comic... Puis moi, je les suivais pas. Puis le moment je me reviens d'abord, puis là, je check, puis là, Superman est mort. Tu vois sa cape. Je viens de réaliser, je vois la cape. Tu sais, puis t'es jeune, Superman, c'est quand même un Il peut pas mourir dans ta tête. Puis là, j'ai vu quand même, j'ai fait, hein. Puis là, il y a vraiment un moment où ça a arrêté, puis j'ai fait, non, t'as peur, Dustin. Là, tu check le comic, tu fais, wow, OK, c'est pour vrai, là. Mais quand il faisait ça, moi, sur le coup, là, la première chose que j'ai pensé, c'est comme, faillite. Ça va faillir. Non, c'était ça, c'était pour vendre d'autres comics. C'était un business decision. Là. Après, j'ai catché du suite. J'avais dû avoir 14, 14 ans, peut-être. Je sais pas quel âge que j'avais, 13, 14. C'est 92, 93? Je sais pas, c'était 93 ou 95? Oui, moi, j'avais entre 93 et 95, 14. Si je me souviens. Ouais. Genre, avoir, dans le fond, entre 12 et 13 ans. Puis, moi, ça a été un gros moment dans ma vie parce que, je veux dire, Superman, depuis que je suis tout petit, moi Superman, aussi. Batman. C'est une je veux Superman, dire, c'est, je veux dire, quand je suis au Venezuela, je me prenais à la plage avec un cerf-volant, mon costume de Superman, puis... Moi, c'était à Cash Bay dans l'Ontario, je sais de quoi tu parles. C'est international, ça, le... Ben, tu sais, le symbole est reconnu, tu sais, c'est autant que mais, McDonald's, tu sais, c'est le Superman. Pour un kid, ça triche. Mais j'aime que c'est les plages du Venezuela, puis c'est les plages à Cash Bay ou dans l'Ontario, il y avait deux kids, là, avec des cerf-volants et des souris Superman, tu sais. Pas j'ai mis une photo sur Facebook. Vous avez partagé un moment, les gars, puis vous étiez même pas au courant. Là. Ouais. Couple d'années plus tard, les deux gars, tu t'as dit un survenant, toi? Ouais, t'as dit ça de Superman, ouais. Oh! Oh yeah! BFF. Ça a bien l'air. Je le connais pas, mais Superman. Non? Ben, je sais qui. C'est Jésus dans le comic book. Ben, je sais qu'ils ont fait des films, là, mais le seul souvenir que j'ai, c'est Richard Pryor. Non, mais je me souviens d'avoir vu peut-être un ou deux films de Superman quand j'étais kid, mais je me souviens de rien à part que Richard Pryor. Lex Luthor. Il est bad là-dedans. Mais moi non plus, je suis pas un fan. Richard Pryor qui joue un génie. J'étais plus Batman. Plus Batman que Superman. Dans l'univers d'ici, moi, je suis vraiment Batman. Puis l'affaire, c'est que je suis pas Batman Dark. Pour moi, là, les vieux Batman, les vieux 1960, Batman, c'est les meilleurs. Les Batman avec les Playboys, le méchant générique. Là. De quoi le méchant? Oh, tu sais, à chaque semaine, t'avais le gars des œufs, t'avais le gars de la face. T'avais les vrais méchants génériques avec les noms à la fin. Je sais de quoi qui parle, les génériques. Oh, le Bad Guy of the Week. C'est ça. Facile à éviter. J'ai pogné toutes les saisons de la série. Les trois saisons, c'est vraiment drôle. C'est qui qu'on va voir au moment donné? Justement, Adam West et Burt Ward. Qui sont un peu plus. Burt Ward ne reportera jamais le costume. Ils sont plus vieux. Oui. J'annonce qu'ils seront pas sur le podcast. Non, ils seront pas là. Ça serait tellement cool. Ça serait tellement cool. C'est Hellblazer. Hellblazer. On s'en somme. Oui. Ouais, Hellraiser. Hellraiser. Non, mais c'est Hellblazer. Oui, c'est ce que je savais pas. C'est Hellblazer. Keanu Reeves. Ouais, attends, wow, là. De quoi, c'est DC, c'est DC, ouais, Hellblazer. Constantine, c'était des, ben, c'est encore DC. C'est DC, mais c'est Hellblazer, le nom du comic. Et ouais. Non, ils ont pris le nom, il a pris le nom du caractère pour faire le film, mais non, ça, par rapport, parce que justement, Keanu Reeves. C'était pas super, ça. Hellblazer, il a les cheveux blonds, il ressemble à, un acteur des années, Dolph Lundgren. James Dean. Il ressemble deux coups de doigt à James Dean. Il a un trench, il est blond, il a tout un cigarette dans la bouche. Tu vois qu'il y a Henry, les cheveux noirs, avec un blazer noir. Le même look Billy Idol, finalement. Le même look de Billy Idol. Mais le blazer, c'est pas noir et blanc, c'était pas un graphic novel, ça, non? Non, non, non, non, il y a genre 300 issues, hein. Ok, je pensais que c'était noir et blanc, ça. Ouais, blazer, ouais, c'est un, je le trouvais cool. Fait que Superman, ouais. Mais c'est des Vertigo. T'es rendu où? C'est des Vertigo, forcément. Non, t'as rendu en parlant de Superman, honnêtement. Mais. Moi, j'ai une petite question. Vas-y, des fois, ça vient relié à musique. Ouais. J'ai remarqué dans ton look de peinture, dans ton style, sans parler des sujets, il y a un côté, je trouve, influencé à culture urbaine beaucoup. Ouais. T'as-tu, à part fait, comment tu peux dire ça, à part faire de la peinture là même, t'as-tu déjà fait genre du graph pis des affaires là-même? Non, j'ai jamais. Sans être illégal pis que je te demande de vider ton sac de murs illégal que t'aurais peinturé, là, juste ce genre d'affaires. Au moins, tu pourrais passer sur LCN le matin. Ouais, ouais. Pas arrêter pour du graph. Ouais. Non, j'ai. C'est le genre au secondaire, genre. Street art, genre. Je faisais un peu de graph. Taguais un peu. Ouais, sur mes cartables, sur mes affaires. Ouais, Tu taguais ce Dragon Ball sur ton bureau, fait que c'était loin du tagging. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme au-dessus, genre. T'avais-tu le gros crayon de peinture avec le bout super carré qui sentait l'iarbre, pis là, tu dessinais le avec ça? Le gros marqueur noir. Non, ouais, non, ça, j'ai, ouais, j'en ai eu, pis je me suis fait pogner une mannée. Conte-nous là l'histoire. Confie-toi à nous et personne sur Internet. Pas de micro dans ta face. J'étais, l'abbé. Oh boy, oh, hey, t'es boy. Allé gros, là. Okay, l'abbé. C'est pas quelle année, je pense, ouais, ça l'abbé, en 95, peut-être. Je sais pas quelle année. Square Philippe. Centre-ville. Philippe Square, l'abbé, ouais, le classique, là. Puis, j'avais pris des mitaines, puis, j'étais parti avec des mitaines, puis, mon poignet, Puis j'avais des marqueurs dans mon manteau. C'était, parce que dans le fond, je faisais des graphs sur mon dessins, dans mon agenda, je faisais un paquet d'affaires. Puis eux autres, ils pensaient que je faisais partie d'une clique. D'un fait que là, ils commencent à m'interroger. Puis là, tu fais partie de quoi? Blablabla. Après, j'avais un canif, mais le canif, il me servait. Parce que je pense à un cours de sciences physiques, puis il fallait gratter des roches. dans le fond, t'étais le thug le plus inoffensif. Exactement. Fait que c'est tout le temps louche comme excuse pour gratter mes roches. En science les autres, comme moi, je me ferais dire ça aujourd'hui. Je ouais, c'est ça. Tes roches. En plus, c'est des roches. Fait que ça m'a fait rire parce que les autres ils pensaient que bon je flaguais, sauf que tu taxes, c'est quoi ton nom, c'est quoi ça, c'est ça, ça attends non. Ceux qui te posaient la question, c'était-tu la police ou c'était les gars de sécurité? Non, c'est les gars de sécurité, ils ont jamais appelé la police. Ceux qui se prennent pour la police. Ouais, exactement. Je veux pas insulter la profession de personne, mais il y en a que il y a comme un niveau, tu sais, mettons sur une échelle d'un à 10, t'en as qui vont être comme 5, puis t'as des mall cops qui sont comme à 12. Ouais, non, mais ils se prenaient là, ils étaient là. C'est quoi, là? Puis là, il tapait, puis là... Ça s'en venait à ça, là. J'étais dans une petite chambre. Puis là, il y avait comme genre... il y avait le good, puis tu sais, la personne qui était le bon, puis le mauvais. Puis, ils ont vraiment fait un good cop, bad cop. Il y a un qui a débranché la caméra dans la salle. Puis là, à la fin, il dit, ben... Ouais, on a rien. Je veux dire, merci de ta collaboration. Puis je te dis. Merci. Mais c'est ça. S'il y aurait eu de quoi, il aurait fait de quoi, là? Ouais. C'est comme tu sors plus jamais du labé, là. Non, le vrai merci, c'est merci de nous avoir gaspillé, une heure et demie à job. Merci de justifier ma job avec ta paire de mitaines. Donner un peu de plaisir dans la journée. Pendant qu'il interrogeait Christian, dans le fond, il y a peut-être 6 gars qui ont volé des manteaux, puis ils l'ont rempli de stock. Ouais, puis... Exactement. Ah non, regarde. Je pense que c'était la dernière fois que j'ai volé de quoi. T'as-tu passé ton cours de science? Ouais. Ouais, j'ai vraiment tout passé mes cours. Puis, non, mais l'influence urbaine. Ça vient de quand t'as volé des bitons. Non, c'est juste que, je veux dire, depuis que je suis jeune, j'adore le hip-hop, puis j'en ai un paquet d'affaires. Puis, moi, tout ce qui était graffiti, ces choses-là, j'adorais ça. Dernièrement, il y a un plus gros hype aussi au niveau de tout ce qui est. La mode, ben, tout ce qui est, dans le fond, le truc urbain. Ouais. Tout ça, je trouve le mix urbain, geek culture, un peu. Ouais, exactement. Puis nostalgie, un peu, là, je trouve ça. Ouais, beaucoup de nostalgie, je te dirais, dans mes toiles. Je dis nostalgie pour les Ninja Turtles dans le Red Bull, là, j'ai vraiment à cause, ça. J'ai une toile que c'est Shurikan puis Code, League of Legends, parce que quand j'étais tout petit, c'était un de mes films préférés, puis j'ai fait un peu plus Gangster. Quel film? Jungle Book. Excuse-moi encore. On dit anglophone. Monsieur Gatineau, c'est ça? Ontario. Justement, qu'est-ce que tu penses un peu de ça? C'est qu'on remarque, il y a comme une grosse tendance ces temps-ci, ils appellent ça le pop art dans le fond, tu sais, le clash des cultures, les choses comme ça. Andy Warhol. Je suis pas nouveau. Ben, c'est pas nouveau, mais on dirait que ça commence à être une canne de Campbell. Non, ça, j'ai jamais fait. Je veux dire, c'est des choses qui sont faites et refaites des millions de fois. Il y a l'art internet. Je veux dire, au niveau du pop art, je me considère pas vraiment dans ça parce que. Souvent au pop art ils reprennent de quoi je veux dire une face puis vont juste genre comme mettre d'autres choses répliquer pour t'en écœurer même ouais c'est ça puis tu vas t'en écœurer un peu là. Ça me fait penser c'est quoi du pop art de nos jours parce que on crée un peu avec l'internet de nos jours des microcosmes de notre propre pop, je sais pas si tu sais ce que je veux dire là. Avant il y avait du pop général où ce que tout le monde connaissait. Mm-hmm. Mais là, tu vas avoir des petites communautés en ligne qui créent leurs propres choses. Ça, c'est comme les memes, c'est con, là, mais c'est des images. Ça serait, je te dirais... C'est un nouveau style, là, puis c'est de l'art, je veux pas dire c'est de l'art un meme, là, mais il y a le côté art internet qui est facile à faire avec des applications. Mais je comprends ça. Il a transposé ça aussi en nostalgie, puis en internet, puis urbain. Je trouve que c'est comme plein de mots qui fit avec... Comment tu fais ton art, un peu, là, si, toi, il faut que je regarde une de tes toiles, il y a un côté nostalgique, il y a un côté un peu comic geek là, tu sais, ces jeux vidéo, ouais, ces affaires là puis je vois tout le temps un peu d'influence internet dans le sens l'humour d'internet, le tu sais, les turtles dans le Red Bull, ça fait internet au lieu du ooze, je trouve. Mais ça, le Red Bull, c'est parce que un moment donné, j'étais arrivé, j'étais à la job, mon boss il boit des Red Bull en côté, vraiment. Puis il y a des tortues dans son bureau, puis à un moment donné, ils avaient laissé marcher. Puis il y avait des Red Bull qui... Attends. C'est des grosses tortues? Ouais, des tortues grosses, dans même, je te dirais. Okay. Un pied, là. Ouais, un pied. Ouais, peut-être un pied, un là. Petit peu, ouais. Une dizaine de pouces, des tortues. Je m'en allais le voir pour lui demander de quoi, puis ça a comme cliqué. Je veux dire, je vois les Red Bull qui traînent, je vois ces tortues qui marchent. Fait que... J'ai pensé tout de suite. Regarde, tu me dis ça, puis c'est arrivé de vrai, puis moi je regardais ça, puis j'étais là, il y a une métaphore que le Red Bull, c'est comme du ooze toxique. T'essaies de chercher le gros, là, pour que là, comment? Est-ce que c'est profond, l'or à Christian, là? Ouais, mais... Là, il me dit ça de même, il me dit, j'étais arrivé, puis il y avait une tortue à mon boss dans le Red Bull, fait que j'ai peinturé ça. Non, mais tu sais, ça m'a fait penser à ça. Mais le pire là-dedans, c'est que tu sais, prends ta version, puis tu sais, t'expliques ça à quelqu'un, puis... Ah, tu sais, justement, il y a un meaning. Ça veut dire quelque chose, cette oui. toile-là, puis explique ça à quelqu'un. Tu peux avoir 1000$ de plus en l'expliquant de ma façon. Que... Ouais, c'est ça. Au lieu de dire, ah, mon boss a des tortues, puis il y a une canette de Red Bull renversée à côté, puis... Voyons, pas vrai, ça. Oh, mais je trouvais ça intéressant. C'est quoi tu voulais dire, hein? Exactement? C'est que tu parlais de l'Internet, le fait que ça a influencé l'art ou les choses comme ça. C'est quoi tu voulais dire par ça, exactement? Non, mais l'Internet, tout influence l'art, on s'entend. Ouais. Ça, c'est... On va pas s'embarquer là-dessus. Mais je veux juste dire, comme ton Grumpy Cat, moi, je le vois, clique tout de suite. Pop art, dans le temps, je veux dire, je vais utiliser Warhol, canne de Campbell, tout le monde connaît la canne de Campbell. Ouais. Mais le pop art, maintenant, c'est comme pour des cibles une audience ciblée qui connaît ça. Ma mère voit Grumpy Cat, ça y passe par sa tête. Aucune idée c'est qui. Ta mère, elle connaît pas le Grumpy Cat? Non, mais j'utilise l'exemple, ma mère. Je pense que la mienne, elle le connaît. Bah, ta mère est plus cool que la mienne. Moi, elle faisait de la pêche à glace tout cet été. Non, c'est sûr. Tout l'hiver, en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire par ça, par exemple, c'est qu'on dirait que le pop, comme j'aime l'idée que le pop art est là, mais on dirait qu'il faut que je pose la question, c'est que le pop art, maintenant, on crée notre pop art. Ouais. Comme tes tortues, puis le Red Bull. Je me dirais un peu plus sur urban art, pop art, je sais pas, c'est comme... Non, mais c'est un peu trop flashy. Je dis oui, j'ai des trucs un peu flashy de mon côté. Mais je veux dire, si jamais vous avez écouté le film Exit Through the Gift Shop, Mr. Brainwash, là, ça, c'est un gars qui a abusé du pop art en tant que tel, là, je trouve. Non, c'est clair. Non, mais c'est ça. Ça a été milky. Tu sais, dans le fond, tu dis popular... culture. Genre, non, mais c'est parce que, popular, maintenant, il y avait on crée notre propre popularité, un peu, là. Je veux dire, on est rendu qu'on peut créer notre propre petit microcosme. Ouais. Qui est mais pas nécessairement plus... pour tout le monde, mais que, on en retrouve c'est des gens qui pensent comme nous. Sa niche, sa culture. Exactement. Son monde, son public. Comme genre, ton public que tu vas voir pour tes pièces et tout ça. Je veux dire, tu peux le créer maintenant en ligne si y a assez de personnes qui aiment qu'est-ce que tu fais. Mais c'est, en tout cas, excusez-moi. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont déjà intéressés à tes affaires sur Internet. Ouais, il y en a quand même une couple. Non, mais c'est ça, je veux dire, ouais, c'est... Puis justement, pour les gens qui sont intéressés, toi, t'as ton vernissage qui arrive dans pas long, là. Ouais, le 25 avril, de 6h à 10h au Helm, microbrasserie sur Bernard. Fait qu'il va avoir de la bière. 6h à 10h le soir. Ouais, mais après ça, tout le monde peut rester après, si vous voulez, parce que le 26, dans le fond... Au coup de minuit, c'est ma fête. Oh! Ouais, c'est les deux. Vernissage et fête. Moi, c'est ma fête lundi en passant. Question. 37 ans. Question de perdu, vernissage, c'est une exposition, dans le fond? C'est un mot pour une exposition? Ben, le vernissage, parce que c'est le mot pour la première journée, dans le fond. OK. Du vernissage. C'est là que tu vas dévoiler tes toiles. De l'exposition, ouais. C'est là que je dévoile mes toiles. C'est là que le monde vient, ils prennent un coup, ils mangent des... Puis il achète toutes tes toiles, one shot de même. Et ça se peut. Après avoir pris un coup de préférence. Je sais que je peux pas toutes les garder là. Parce que ceux de l'entrée, ceux que je vais mettre à l'entrée, ils vont devoir être retirés. Fait que, s'il y en a une coupe qui se vendent. soir. Parce que le monde qui parle sur Internet, justement, qui nous écrivent quand ils voient l'annonce de... de ton vernissage. Non, ils veulent beaucoup les Ninja Turtles, si. Iron Man. Ben, ouais, ouais, ben, il y en a une couple. Grumpy Cat aussi. Ben, toute la gang, j'ai vu du monde qui voulait. Fait que si vous voulez une chance de l'avoir, c'est aller au vernissage, ouais. Puis moi, j'ai une question pour toi face à ça. C'est que, de toutes les toiles que tu vas apporter, est-ce qu'il y en a une que t'as une valeur sentimentale, puis que tu laisseras jamais partir? Tu sais, y en a-tu une que c'est ton coup de cœur, puis... Sincèrement, mon coup de cœur que j'ai encore la misère, c'est le Dr. Doom. Le Dr. Doom? Ouais. Ouais, je te dirais, ça serait celle-là. Puis, je suis en train de travailler sur une série des Ninja Turtles. Encore, ouais. C'est quatre mini petits cadres, dans le fond, qui vont être à côté de l'autre. Un pour chaque, genre. Ouais, celle-là, je l'aime quand même assez. Splinter, mais, encore exclu. Ouais, il est exclu. Mais non, mais je te dis, dans celui de Red Bull, ouais. il est dedans. Ok. C'est vrai. C'est juste qu'on. Je sais pas si on le voit dans l'extrait, là, mais. Est-ce que t'es tout seul pendant le vernissage? Non. Question dont je connais la réponse, mais qu'on va faire une plug aussi. J'ai mon ami Lisanne Sabourin. OK. Qui va exposer aussi. Elle, c'est plutôt au niveau architecture. Elle est déjà au départ. C'est une designer de mode. OK. Elle fait des manteaux. Édition limitée pour des gens. Dans le fond, je veux dire, n'importe qui, un artiste peut arriver et dire « Ok, je veux tel manteau. » On en a fait pour certains artistes, des noms méchants. OK. Mais... Québécois ou des... Ah non, il y en a des Américains, Québécois, il y en a un peu partout. Ah, des noms. Je veux dire, il faudrait y demander, je m'en rappelle pas. Oui, il demandera au... Mais, je veux dire, elle a fait de très beaux morceaux, je les ai vus. Elle a fait pour des séries, elle a fait pour des défilés, pour paquet d'enfants. Puis, c'est ça, elle a fait aussi, a fait des toiles un peu plus au niveau architecture urbaine de la ville de Montréal et tout. C'est pour ça qu'on a appelé un peu Eclectic Art, parce que je veux dire, on a deux styles différents un peu, puis c'est des choses mélangées un peu qui nous influencent. Mais c'est ça, elle va être là aussi avec nous autres. Vous avez combien de morceaux exactement que vous exposez ce soir-là? Je te dirais, ça varie entre 10 et 12 morceaux. Chaque ou t'as chaque. Chaque, ouais. Ok, excellent. Ça a rien du sens. Puis les gens peuvent à ce moment-là faire l'offre d'achat directement. Est-ce qu'il y a un cover charge? Est-ce que les gens non, aucun cover charge. C'est gratuit en plus. C'est gratuit, c'est dans un bar. Fait que. Fait qu'il y a aucune raison de rester chez nous le 25 avril le soir puis de pas aller à l'exposition gratuite, boire de la bière. Même si tu veux rester 5 minutes, prendre une bière, tu peux t'en aller après. Tu peux juste venir faire la toile. Mais je veux dire, il va y avoir un bon DJ, mon ami Julien de Pace Play qui va être sur les tables. Fait que ça, la musique va être, tout va être assez le fun comme soirée. Cool. Fait que les gens qui veulent venir sont invités. Fait que le 25 avril de 6h à 22h, puis après ça, c'est le party de ta fête. Ouais, exactement. Donc on vient vous voir Eclectart dans le fond à la microbrasserie Elm au 273 rue Bernard. Ouais. Christian, merci d'être venu avec nous autres. Puis bon succès cette soirée-là. Merci. Christian. Tu peux rester, là. Tu peux rester, ouais, on ne sac pas dehors. Non, mais je pense que je vais aller aux toilettes de ça. Ben, y a pas de problème, c'est vrai, comme à tout le monde. Depuis tantôt, là, Ouais, je me sentais un peu comme Guilla Lepage pendant 30 secondes. Est-ce que vous restez avec nous? Ben non. Juste que t'as pas un maudit clavier, par exemple. Juste beaucoup plus pauvre. Donc, là, on est rendu est-ce à un étape. Voit cette semaine? Là, on est rendu à un bout où j'ai une surprise pour vous. Hein? On a un de nos auditeurs. Qui? Nick et ses croustilles. Ça n'a pas de sens. On a un de nos auditeurs, Samuel Lantaigne, que je veux remercier parce que ce gars-là... Samuel. Ce gars-là a commencé à écouter nos épisodes, il a donné du feedback super positif. Vraiment un bon gars. Puis il nous a donné un petit cadeau que je veux vous faire écouter. Là, ça va paraître bizarre parce qu'il va falloir que je l'intègre au montage. Donc, je vais vous demander, on va garder un silence de 15 secondes. Attends, c'est quoi ça? Je vais vous le faire écouter. C'est Samuel Lantaigne. C'est lui qui a fait le dubstep? C'est lui qui a fait la toune dubstep. Samuel, mon chéri, merci beaucoup pour ta belle toune. Oh! Ça, c'était pas mal sensuel, ça! Mais j'y passe! Non, c'est pas lui! Oui! Voilà! Mais là, ça sonne obligé! Merci, tu viens de ruiner la magie, là! Merci, Samuel! Non, c'est vraiment honnête, tu fonds du cœur! Mais Samuel a fait la toune que vous avez entendue au début de l'épisode, qui est différente de notre introduction de d'habitude. Fait qu'à ce moment-là, Sam, super de bon gars, il nous a fait une deuxième surprise. Ah! Ouais! Exactement! Puis celle-là! Un autre toune? On a tenu ça secret parce que c'est une toune qui va expliquer le prochain moment. Donc on s'en va vers la manette dorée. Puis à partir d'aujourd'hui, je vous annonce que la manette dorée a son thème exclusif. Ok, on nice. Donc Samuel, on évolue, fait ça. On évolue là. On s'en fout. Montage. On a des effets spéciaux, un peu de post-prod à faire, tout va bien. Pour les gens qui sont en ligne, ben je suis désolé, mais vous allez l'entendre lundi avec le téléchargement. Donc pour l'instant, seulement les auditeurs et les gens autour de la table avec les micros. Les écouteurs vont pouvoir entendre l'extrait que je vous fais jouer dès maintenant. On a tous les écouteurs. Manette dorée, golden manette. On dit gamepad ou controller. Excellent. Sam, merci beaucoup, c'est vraiment écœurant. Puis on va l'inclure dans chaque épisode à partir de maintenant. Tu mets ça sur un petit clavier, là, mon guillot. Ah, oh, ouais, c'est sûr que je me plug un petit clavier. Milter pèse sur le piton. Ah, ouais. Ouais, Milter pèse sur le piton. Non, Milter donne les cartes. Ah ouais. Milter, c'est toi le clavier midi. Moi, cette semaine, j'ai joué à un merveilleux jeu. Que t'étais déjà pro, hein. Ben, j'avais déjà joué, pis tout, mais. Quand, tu vois, je vais t'expliquer ça là. Je m'en doute même pas. Cooking Mama sur la Wii. Puis moi j'ai déjà joué à ça parce que j'avais une Wii dans le temps. Là j'ai une Wii U à cette heure. Avant j'avais une Wii puis j'ai eu ma Wii. Quand... C'est quoi la différence? Sincèrement, ben, la différence. Ben, c'est comme plus beau. C'est quoi la différence entre Nintendo et Super Nintendo? Non, c'est parce que je travaillais plus. J'ai travaillé sur Future Shop. Tout. Là, je connais plus rien depuis. Ben, premièrement, tout ce qui marchait sur Wii, il marche dans Wii U. Okay. Mais t'as comme un channel, là, tu sais, qu'il y avait comme. Mais je veux dire, ça a augmenté au niveau des. C'est plus beau graphiquement. C'est plus performant. T'as une manette différente, un code. Ouais, mais ça, j'ai vu. T'as le genre de gamepad, iPad, si on peut dire, dans les mains, qui est plus ou moins utile dépendant du jeu à quoi tu joues, là. Mais c'est un bon step plus haut, mais ça reste quand même ma console que je joue le moins avec. C'est-tu encore une console de ma tante? C'est moins ma tante, c'est plus gamer-oriented vraiment que casual de même. Là. Mais je pense que ça n'a pas fait assez pareil avec pour l'instant avec les gros gamers, même s'ils essayent d'y revenir. Mais vu que c'est un jeu... À date, c'est un flop. Ouais, si on peut dire. Au niveau jeu, je l'aime beaucoup, la machine, personnellement. Je trouve qu'elle est cool, là même, mais j'aime encore mieux ma Xbox pareil. Fait qu'il y a de quoi qu'ils ont manqué à côté. Mais la Xbox, c'est la meilleure console qui a jamais été conçue dans l'histoire des consoles. Ça, c'est sûr. Tu me cites comme toutes les fois que je parle de la Xbox, je dis cette phrase-là. Mais pour revenir à mon merveilleux jeu de Wii, comme elle m'a fait jouer, ben moi j'avais ça dans le temps, parce que dans le temps, ben, je travaillais dans le magasin de jeux, puis à toute fois que quelque chose sortait, ben je l'achetais, puis surtout dans le temps, il n'y avait rien sur Wii. Puis Cooking Mama, c'était un des seuls jeux qui était comme « wow, c'est ça, puis Wario. Ou ça, WarioWare puis Trauma Center que j'avais aussi, que je jouais à ça. Fait que là, j'arrivais chez nous, là, puis je passais mes soirées à checker du texte d'amour de médecins japonais, puis à un moment donné, oh, ok, je peux couper du monde avec précision. Mais ça, c'est avant que la Wii Motion Plus existe. Fait donc, que ça, tu pouvais couper du monde, point. C'était tout crush, là. Puis, c'est ce que je me suis souvenu quand j'ai rejoué à ça, parce que moi, dans le temps, j'ai joué. J'ai tout fait, là. Et moi, mon coloc, dans le temps, on a fini ça genre 4 heures, là. Ouais, on les faisait tout un après l'autre à tous les soirs. Puis, quand j'ai joué, j'ai fait comme, hé, tabarouette, ça paraît que je joue à Wii U ou ben que j'ai mon Wii Motion Plus parce que ça, c'était plus précis, là, tu sais, comme avant. C'est peut-être moi qui était tout crush ou des fois, fallait que je... Trop gelé. Non, pas du tout. Puis, tu sais, en tout cas, j'essayais de regarder partout, pour voir qu'est-ce qui marche pas, fallait que je me mette quasiment debout pour shaker ma manette d'en avant en arrière, tu sais, c'est des petits jeux basiques, là, de WarioWare style, que tu te places ta manette bien drette, puis tu shakes en avant, en arrière pour remettre. Parce qu'on sait que quand tu joues à Wii, faut que tu te shakes en plus. Faut que tu shakes tout. Mais pas toi, là. Moi, j'étais assis dans le divan, ben relax, puis je faisais shaker la manette. Mais tu sais, tu fais le petit en avant, en arrière, tu coupes des légumes. J'ai une question. Haut, swing des bouts. J'ai une question pour toi. Quand t'as commencé à jouer à Wii la première fois, à ce jeu-là, non, ou juste à Wii en général, okay. Est-ce que t'as eu le même feeling que moi, ou est-ce qu'à un moment t'as réalisé que c'était pas aussi précis que tu pensais que c'était pour être, puis là t'as dit, sais-tu quoi, who cares, c'est proche. Ben, c'était... Je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que tu as commencé, c'est pas pire, puis en même temps, tu l'as jamais vécu, fait que tu dis, c'est mieux qu'à rien, puis... Exact, exact. Je m'attendais, oui, je m'attendais mieux, puis quand j'ai eu le Wii Motion Plus, la première fois, j'ai fait comme, hé, hey, tabarnak, ça, c'est encore mieux, puis tout, puis après une couple de semaines, tu fais comme, c'est de la merde, dans le fond, ça. Après une couple okay, de semaines, t'as annoncé la Wii U, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai ben, c'est vrai que tu comptes le jeu plutôt que les features de la puis, Wii. Puis Wii Sport Resort, c'était écœurant. J'y vais d'après leur question. Ben, les features du c'est jeu. C'est quoi, Cooking Mama? Dans le fond, wow. Tu commences, t'as tes choix de recettes de plein de pays différents. Pis, admettons, comme tu fais la France, exemple, t'as une soupe au début, aux légumes. C'est-tu que c'est raciste? Y'a-tu de la poutine? Non. J'ai pas vu de poutine dans le jeu, je l'ai pas fait au complet. Y'a pas de mec canadien. Mais non, c'est ça, y'a pas de mec canadien. Ok, y'a-tu du pâté chinois? Mais on vient de te dire, il n'y a pas de mot canadien. C'est chinois, du pâté chinois. Non. Mais tu sais, c'est dans le fond, t'as plein de légumes, fait qu'il faut que tu fais tes petits moves, tu coupes les bouts, mettons, de carottes, le gros bout avec les racines, si on peut dire, après, puis ces affaires-là. Les tiges, puis l'autre petit bout. Non, mais tu coupes tes deux bouts de carottes, après, faut que tu l'épluches en faisant tes petits mouvements. Fait que tu sais, t'es là dans les airs, tu shakes ta manœuvre, dans le fond, de toutes les positions possibles, pis ça, sérieusement, éplucher les astis de fruits, de légumes, là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, là, il reste un petit bout de ouais. De légumes pour rien à tout faire, pis t'es, ah ouais, je le pogne d'en haut, mais tu le pognes pas d'assez haut, genre, mais ouais, mais dans la vraie vie, là, même si je le commence dans le milieu, ils vont au moins enlever, c'est un petit bout, quelque chose. Nous autres, on a arrêté d'éplucher les patates, là. On enlève les gros nœuds, pis après ça, on laisse la pleure. Tu vas chez la fleur direct, pis tu pognes une patate. Non. T'es épluché hein? Plus. Mais non, mais en tout cas, c'est... Désolé que j'ai apporté des patates de la fleur pour hey, il était bonne, les patates de la fleur, là. Fait cooking mais mama, là. C'est des petits mini-games de shakeage de manette pis tout. Pis je dois dire. Oui. Que j'ai eu plus de fun à faire les recettes britanniques. Parce que pour une raison quelconque, c'est des petits gâteaux au lieu des genres de soupe pis des affaires. Fait que là, tu fais une petite shepherd pie. Mix, c'est quoi le pays le plus poche dans cooking mama? Je dois avouer que la France, j'ai trouvé bien normal. C'est tout le temps des petites soupes ou des gens de potage, bâtard ou niaise de même. Non, mais tu sais, tu fais... C'est vraiment pas la fine c'est cuisine. C'est ça pareil, là, la grille, là, ma c'est ça pareil, là. Toutes les fois que j'ai pris la France, j'étais comme Colin, il fallait couper des légumes, puis tout le temps, là... Il y a pas d'entraille? Bon. Aucune entraille. Peut-être plus loin, là, parce que plus t'en fais, ça t'en débloque, là, après 3-4 du même pays. Il y a des millefeuilles, jantes. Ben, les Britanniques, là, gars, j'avais même écrit, là, c'est quoi, il y a des... Des custard cream puff pis des custard cream puff là ça fait genre le méchant d'une émission à TVA. Non mais il y avait de la croustade que tu faisais, il y avait la des petits gâteaux, des custard scooters, de la croustade. Il y a des sausage rolls. Non. Hey, des pigs, ça doit être dans Cooking Mama 2 ça ou de quoi de même là, parce que je sais qu'il n'avait pas. Tu t'avais demandé de faire un top 5, t'as fait le top 5? De mes recettes? Non, parce que je te dirais que les gens... Okay, fais un top 5, Milton. Mes 4 préférés en partant, c'était genre ceux des 4 britanniques que j'ai fait. Ah, mais c'est quoi les noms? Ben là, je me suis juste de croustard. C'est ça. Attends, il devait avoir du poisson pané. Non, il y avait du poisson pané. Il y a une soupe minestrone. Il y avait une affaire de veau. De je sais pas. Oh, soupe minestrone. Soupe minestrone, c'est britannique? Non, ça c'était en France, ou de quoi de même, ou italien, ouais, italien. Ouais, j'espère. Non, mais. Mind blown, là, c'était pas le menu, là, c'est une genre de feuille de papier avec des drapeaux tout croche éparpillés partout, pis tu cliques là-dessus avec la petite manette qui va tout croche. Fait que. J'ai une question. Je voulais peut-être celle de l'Italie, pis que j'ai cliqué sur la France, pis je le sais même pas. C'est quoi les mets japonais? Je l'ai pas vu pas en tout. Tu fais des sushis, tu fais, c'est plus loin, ça. Teriyaki, tu fais. Oh, il s'est pas rendu là. Je savais c'était quoi, puis je vais t'avouer, là, s'il y a des recettes qui fonctionneraient avec la Wiimote, là, ça serait du sushi, puis du teriyaki, puis... Mais le jeu, il est très basic, parce qu'en plus, c'est même pas, là, comment tu appelles ça, le joystick, là? T'as juste la Wiimote, là, t'as pas le... J'avoue. C'est très basic, là. Tu dis les boutons? Oui, les boutons. Il n'y a pas de Wii Motion? T'as pas de Wii Motion Plus, puis t'as pas le joystick. Non, mais il y a du Wii Motion un peu, quand même. Oui, mais t'as juste la Wiimote. Une Wiimote, t'as pas le petit joystick, tu sais, t'as pas de, à deux mains, t'as pas de... t'as pas de, ok. Tu peux rien évoluer, là, t'es okay. Assis. La... Ouais, je vais te comprendre. C'est tourne ton poignet à gauche, tourne ton nunchuck. Poignet. Ouais, le nunchuck. Le nunchuck. C'est easy, c'est basic, c'est... J'ai oublié que ça existait, le nunchuck. Mais, Pas Zelda. tu rejouerais-tu, honnêtement? Non, parce que ça se contrôlait mal. Je m'ai rendu compte vraiment que la Wii, là, les vieux jeux, là, c'est bien le fun que tu peux encore jouer, là, mais Colin, c'est pas réceptif. Ou je sais la pas, direction hein. artistique, c'est comment dedans? Ça, c'est j'aime le petit côté japonais happy. Tout le monde avec des étincelles dans les yeux. Genre, là, c'est, ça fait penser à Hello, Hello Kitty avec... t'sais, avec des bonhommes dans des humains à la place des chats, là, genre, là, t'sais, trop happy pour rien, puis on fait des gâteaux, wouh, pis pting, des étoiles dans les yeux, pis mettons que t'as donné une cote sur 10 à Cooking Mama. Attends, quand est-ce que t'avais joué Cooking Mama la première fois? En 2007, je crois. Quand la Wii est sortie, là, je me suis, je suis pas bon avec les idées. Fait que note en 2007. Ou non! Note en 2007, ensuite. Quand j'ai joué la première fois, je trouvais ça vraiment cool, puis j'étais un peu pas à jeun et alcoolisé avec mon coloc dans le temps, parce que c'était ça notre vie d'appartement, là. Fait que j'imagine que. Deux gars! Je m'en souviens pas. André jouait à Cooking Mama? Deux gars chauds, André jouait à Cooking Mama avec. Il y avait de la boucane dans l'appartement, disons. Puis, j'avais toutes les plugs de jeu, fait que tu sais, gars, je les achetais toutes, j'y louais toutes, on les faisait toutes en une soirée. Pis on s'est fait du fun pendant 4 heures. Fait que la cote dans ce temps-là. Je t'aurais dit un 7 dans le temps. Aujourd'hui, Milter, vie de famille, hey, Wii U dans la maison. Si c'est rien que de moi, c'est un 1. Parce que oh, wow! Non, mes kids étaient couchés quand j'ai voulaient, même mes kids voulaient pas jouer à ça, là. T'es-tu sérieux? Ben ouais, ils sont collés. Tu donnes un 1, là, t'es le douchebag sur Super Mario. Non, mais que je veux dire. Compétitif. Que je veux dire, c'est qu'un 1, parce que. Juste stratégique. Le temps que j'ai à jouer à cette heure, je vais le passer à jouer à d'autres choses. Puis ça, ça serait dans le bas de ma liste, en tabarouette des affaires que je jouerais présentement si j'avais plus de temps à dédier un jeu. Tandis que si c'est juste pour donner une conne de même puis dire qu'il y a peut-être une madame, une matante nowhere qui joue jamais à Wii, elle va triper là-dessus, mais je lui donnerai un 4-5. Il y a d'autres choses de mieux que ça. Va chercher Trauma Center, c'est bien plus fun. Excuse-moi, Trauma Center, là, sur le Wii, là, je serais incapable. Je le fais sur DS, là. J'ai de la misère. Fait que j'imagine même pas sur le Wii, là. C'est ça. Ça doit être tellement précis, là. Qui est-ce que tu pièges cette semaine? Ou que tu donnes quelque chose de bon aussi? C'est pas piège, vraiment. Okay. C'est, j'ai décidé de te faire une shameless promotion pour ton Twitter. Vu que tu t'appelles Uzumaki, qui sait? Ouais. Ben, j'ai amené le film que Nick a sur son mur, mais que je vais te le passer le mien. Il s'appelle juste Uzumaki. Fait que c'est un film asiatique bâtard, là, de... C'est pas un film d'horreur, weird? Genre. C'est pas super gore. Pas tant que ça, là. Un film asiatique de fantôme, Fait que c'est moi, là. C'est toi, parce que c'est toi, Uzumaki, là. Si le film s'appelait Montréalien ou Johnny Tabarnak, j'aurais donné un result, mais le film s'appelle Uzumaki. Et puis les chances qu'on tombe sur ça, en plus, c'est quand même assez... Puis en même temps, je close le premier cercle complet... De OK, oui, vu au premier épisode, c'est moi la première manette d'or, puis que je n'avais pas eu, genre, avant, si on peut dire, puis que c'est moi qui a parti le bal avec ça. Tout le monde en a eu, mais tout le monde en a eu une de moins. J'ai commencé par Eric, après c'est Mel qui l'a eu, après c'est Nick, là c'est André, puis tout le monde va avoir eu quoi. Fait qu'après, j'ai pris Big Man Japan en neuf. Tu l'as réécouté en plus? Ça, c'est cool. T'as dit que t'es allé l'acheter? Hein, je l'ai téléchargé après. Légalement, bien sûr. Absolument, ouais, je l'ai acheté. Fait que c'est ça. Uzumaki QC, montre-moi dans ça, mon ami. C'est pas Uzumaki QC, c'est ton Twitter. Ben là, c'était une chaîne de. Hey boy! Ok, non, il y a de l'anglais. Oh, attends, on a eu le premier sirène. Oui. C'est un podcast. Tout ça sur la merveilleuse rue Saint-Laurent. A pretty high school girl is got involved. Wow! Ah, okay, la traduction est excellente. C'est les meilleurs, ça, quand la traduction est mauvaise. Whirlpool. Ok, ouais, le tourbillon. Le tourbillon maniaque. Avec les. C'est quoi, un super pouvoir? Ben, je sais pas, mais il y a de l'anglais, du chinois et du chinois simplifié. Ah, c'est chinois, c'est Hong Kong. Moi, la seule affaire que je demande, c'est d'écouter une fois dans chacune des langues. Ok. Ben, je vais faire mon possible. C'est pas vrai, écoute celle que tu veux. Moi, je tiens juste à vous faire remarquer que c'est écrit, mettons, la langue, puis dans l'onglet couleur, c'est écrit japonais. Ouais. Fait que japonais, ça a l'air que c'est une couleur. C'est jaune. Ok. Yo, vraiment? Non, c'est... c'est... Merci, Milter. Avant de conclure cette semaine, on va fermer la boucle avec un concours qu'on avait décommencé. On avait commencé il y a quelques épisodes. Ouais, si j'allais dire. On avait demandé aux gens de nous envoyer un courriel. On avait des films à faire tirer. Puis on a demandé aux gens de nous envoyer des courriels. J'ai pris tous les noms des gens qui ont envoyé des courriels. Toi, t'avais l'air à vouloir dire quelque chose. Non. Non? Ok, cool. Non, je cool. Prendre l'affaire pour piger. Tous les trucs que vous nous avez envoyés, j'ai pris votre nom et là, c'est de valeur pour les gens qui nous écoutent. Via... Ben, c'est pas de valeur parce que vous nous écoutez. Pour les gens qui nous écoutent en ligne, on va piger dans une tête de zèbre. Pendant que le monde mange des croustilles d'une manière vraiment non affriolante. Christian, j'aimerais ça que tu piges un nom dans la dans le zèbre. Dans le zèbre. On demande à Christian pour que ça soit legit, parce qu'on n'est pas legit au Québec non plus. Là. Un petit Mexicain. J'aimerais que tu nous... c'est peut-être plus legit, le en petit fait, Mexicain. Peut-être que tu vas rusher parce que c'est mon écriture et je m'excuse d'avance. Frédéric Viel. Donc, Fred Viel. Ou Fred, ouais. Fred Viel, félicitations. Viel. Tu viens Bravo! De gagner ta copie, tes copies poup, de poup, poup, poup. Summer Wars en Blu-ray, Mass Effect Paragon Lost en DVD et A Certain Magical Index saison 1. Ah, c'est cool ça. C'est du DVD ça avec Hamilton. Ouais. Ouais. Tu le vois sur le côté. Tu viens de gagner tout ça. On va te contacter par courriel. Bon. Tu peux voir certainement. Puis, par la même occasion, Fred, on voulait te remercier pour l'email que tu nous avais écrit. Parce que t'as pas juste envoyé un courriel pour gagner quelque chose. T'as envoyé un courriel aussi pour nous remercier. Nous remercier pour le podcast. C'est quoi qu'on a fait? Ça a l'air qu'on fait un podcast gratuit, puis il y a des gens qui aiment ça. Oh. Je le lirai peut-être pas en totalité. Mais honnêtement... Fait que Fred, qu'est-ce qu'il dit, c'est que toi, t'avais écrit un des longs emails. Ouais. J'ai lu ça dans une journée, puis j'ai partagé avec le restant du collectif dans le fond. Ça a pris une journée, quoi. Ben non, ça a pas pris une journée. Ah, c'est ça que t'as partagé, c'était très beau. Exactement. Honnêtement, un gros merci à toi, puis ça nous fait plaisir de pouvoir te donner ces films-là. Fait que là, tu y envoies ça par UPS, Puro. On va s'arranger avec. À la limite, on va y shipper Express Post ou on va aller livrer dans un métro ou quelque chose de même. On va trouver un après, moyen. Après qu'il répond à une question mathématique simple. Oui, une question mathématique très simple. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous autres pour le quatorzième épisode. Je perds mes mots, ça n'a pas de sens. Hein? C'est horrible. T'es ému. Je suis ému. Ben, le pire, c'est qu'un peu, parce qu'on commence à recevoir des courriels. Il y en a un aussi, Monsieur Nicolas Ottawa, qui nous a écrit, je vais le lire celui-là, hein, parce que je le trouve cool. Est-ce que c'est beau? Il y a une photo? Oui, il y a vraiment mis une photo vrai, en plus. Je vais la mettre. Nick, je m'excuse, mais je vais en mettre sur la page Facebook, je vais la partager avec le monde. Il a écrit, hey, je vous écris évidemment pour le concours, mais j'aimerais bien en profiter pour vous dire que vous faites une super belle job. J'en écoute beaucoup des podcasts. Vous êtes rapidement monté dans mon top. Vous avez une belle chimie, puis ça paraît dans mes écouteurs. J'attends toujours vos podcasts avec impatience. Nicolas Ottawa, @ntawa sur Twitter. Merci d'avoir écrit, honnêtement. Merci. C'est vraiment cool. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'interactions sur Twitter, non? Exactement. Puis c'est un membre super actif avec nous autres. Puis on va avoir un petit quelque chose de spécial pour toi dans la semaine prochaine. Pour se faire pardonner de mettre ta face sur notre Facebook avec la photo. Ouais, puis... Il a fait un meme, il nous l'a envoyé. Pour, je vais vous le montrer. Son meme qui dit « Ah ouais, le geek hostie, continue comme ça, avec sa face. » C'est pas lui! C'est Kevin! C'est pas lui! C'est Kevin! C'est Kevin! Ah ouais, Kevin! Ah ouais, Kevin! Ah, André Phil! Phil André! Ah ouais, continue comme ça! Ok, faites tout clipper mon micro en même temps. Let's go, Andy! Ah ouais, Andy, continue comme ça! Ok. Ben, en tout cas, je me suis planté. Ben, je pensais que c'était lui, ça. Ben, fait que, ouais. Désolé, je connais pas mon web québécois. C'est pas Kevin. C'est pas lui, non, Kevin. C'est pas lui, Kevin. C'est Kevin, c'est celui qui. Lui, c'est l'ami à Kevin. Ok, c'est le seul nom qu'on a. C'est Steve. Moi, j'étais sûr que c'était le seul gars. Le web québécois. Simon, je connais pas les vedettes de web québécois. C'est toi. Moi, j'y connais tout. Mais non, oui, c'était partout. En tout cas, merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai pas catché ta joke, mais super bonne pareil. Je vais te l'acheter, ton serpent. Ok, attends une seconde. Pour ça, si nous écoute en ce moment, je veux qu'il nous envoie une photo de lui. Avec le même mime. Là, on va rappeler les gens aussi qu'on a le concours de la toile exclusive qui est sur notre Facebook. Vous allez retrouver vraiment, il y a une image, c'est simple. Vous likez la page, vous allez sur la photo, vous nous écrivez pourquoi vous devriez gagner. On va faire un tirage avec les gens qui sont partis. On a eu un avant-goût, là, puis elle était cœurante en crise. On a vu un peu un avant-goût de la toile, puis honnêtement, c'est votre chance d'avoir une toile exclusive au concours du collectif avant que Christian prenne son envol, puis qu'il vous charge à peu près 1500$ pour une toile dans pas long. Pendant que je fais des moves de mouette. Ou une paire de gants de la vie. N'oubliez pas, c'est Bruce Campbell, un poney licorne, puis un petit chien de prairie. Moins André 3000 qui fait du moins André 3000, puis moins Deadpool. Moi, je pense toujours que Deadpool aurait pu être ce cheval aussi. Donc, sur ça, Christian, ouais. Sur Twitter, comment ça va, Lana? Dans le fond, vous pouvez me suivre n'importe... Je suis pas mal toutes les réseaux sociaux. Est-ce que tu es un expert en réseaux sociaux? Un expert, je sais pas. Je sais pas. Oh, je sais vraiment pas. Sur Google Plus. T'es-tu un Tumblr? Je suis pas un Melter. T'es-tu un Tumblr? Est-ce que t'es un Tumblr? T'es un expert. Regarde, Y'a-tu un... T'as le temps, fais tes plugs, là. Christian Bolanos. N'importe quoi, c'est tout le temps Christian Bolanos, mais c'est Christian avec un K, un nom CH. Fait que Twitter, c'est Christian Bolanos. Mon blog, j'ai un site internet, j'ai un blog sur mon site internet qui est christianbolanos.com. J'ai un Tumblr, christianbolanos.tumblr.com. J'ai Twitter, je pense que je l'ai dit. Ouais. Studio Christian Bolanos. Instagram, Facebook, n'importe quoi, dans le fond, Christian Bolanos, tu tapes ça sur... Fait que si on Google, sur Google, Christian Bolanos, ça va sortir les choses, ouais. Ouais. Fait qu'on va inviter les gens non seulement à te suivre sur les réseaux sociaux, mais à aller faire un tour au Elm Bar le 25 avril à partir de 6h. C'est gratuit. C'est votre vernissage. On vient regarder ça. Il y a des chips maison. Des chips maison. Il y a pour ça. C'est toi qui les as faites. Non, c'est eux autres parce que sinon. C'est la maison. C'est-à-dire, on voulait pas non plus que. Offrir plein d'affaires puis qu'il y a des personnes par rapport des qui, patates ouais, commence à manger le tartare de saumon des chips maison pour le tartare au saumon fait qu'on a juste des chips. Bon, ben, c'est perfect. Ouais, ben, déjà, c'est des chips gratis. Mais si on apporte le tartare, on peut mettre des chips dans le tartare. Ouais. Ben, tu sais, en plus, il y a le nouveau palais juste à côté, là. Oh. À partir de minuit, ils font des bons cheeseburgers. Nice. Des cheeseburgers, des chips, un DJ de Paceplay, de l'or, Christian. Juste Christian. Juste Christian, ça vaut la shot, mais tu sais, tout, avec tout le reste en bonus. Notre soirée. Nous autres, on va être là en plus. Fait que pour certains, ça peut être un plus. Pour d'autres, un moins. Je sais pas. Venez rencontrer Christian, venez rencontrer tout le monde. Mais venez faire un tour. 25 avril, 273 rue Bernard-Ouest. Christian Bolanos, Lisanne Sabourin. Ouais, Lisanne Sabourin. Venez voir Eclectart, leur premier vernissage ensemble à ce moment-là. Ou Lisanne Sabourin Design. Elle doit être sur Instagram. Peut-être sur Twitter. Je sais pas. Sur... quoi d'autre, mais c'est Lisanne ou LSD. LSD? Ouais, LSD. Non! LSD! Ça, c'est son nom de compagnie. On voit la référence tout de suite. Lucy in the Sky with Diamonds? Non, la drogue. Donc, comme à l'habitude, mon nom est Uzumaki QC sur Twitter. Vous pouvez me suivre, André Paquette. Je vais me faire un plaisir de communiquer avec vous. Je suis rendu avec un... trop populaire. Exactement, tu sais, avant qu'on soit tellement en demande qu'on réponde plus. Vous pouvez me suivre nouvellement sur Tumblr. Je suis rendu un expert en médias sociaux également. Donc, j'ai un Tumblr sur vraiment30.tumblr.com où vous allez pouvoir remarquer l'absence totale, j'ai 5 Tumblr, de dessins artistiques. j'ai aucun talent. Je dessine comme un enfant de 5 ans. Yo, mais je m'amuse avec mon iPad. Invade Me, je l'adore. Ah, t'as-tu volé ça de quelque chose? Non, non, j'ai pondu. C'est bon, ça, man. Merci beaucoup. That should be on a t-shirt, là. Ok. Ben, au pire, on essaiera de faire un t-shirt avec ça. De trouver des plugs. Donc, vraiment30.tumblr.com, @SuzumakiQC. Sinon, la page officielle du Geek Collectif. Geek Collectif, le podcast sur Facebook. Rick? Montréalien @MontrealIEN sur Twitter puis aussi Montréalien sur Facebook. C'est... excellent. Puis Rick, t'es actif quand même sur Twitter. Hein. Ces temps-ci là, tu ben c'est parce que j'ai appris que je peux tweeter mon shit de Facebook. Oh, fait que toi c'est une shot puis c'est partout. That's là, à ce moment-là. Man, fuck that shit. Mel, je suis la grande geek. G33K. Excellent, merci. Milter? Oui, @ZombieMilter. G1. Commercial @ZombieMilter sur Twitter. Perfect. J'ai un Tumblr, moi, avec. Tain, il va faire mon artiste. Ça s'appelle Fuck Top Cats. Comment t'appelles ça? C'est comme l'animal, tu sais, fuck. P-H-O-Q-U-E-D. Hop, U-P, Cats, C-A-T-S. tout en un mot collé en plus, tu sais. Tumblr.com? Ben, tout... Tumblr, là. Ben, tu vas pour la démographique fuck et chat. Ouais, mais ligne, c'est tout c'est un golden shot, là. C'est à propos de quoi ton Tumblr? C'est des chats, néons, lasers, zombies, catwang, dans le fond. C'est toutes les applications catwang possibles où je fais de l'art avec ça. Excellent. Il y a bien du monde qui apprécie. Il y a bien du monde qui apprécie parce que des fois, je poste, admettons, je prends comme modèle de base des artistes de musique de exemple Universal Music parce que j'ai follow sur justement Tumblr, fait que des fois je vois des belles photos de leurs artistes, fait que j'y pogne puis je leur mets des faces de choc, tu sais, des lasers de leurs yeux, puis là j'y repose sur Tumblr, fait qu'eux autres ils capotent. Puis je fais la même affaire avec... Mais t'as pas eu un Walking Dead qui a liké tes photos? Je fais aussi des photos avec The Walking Dead où les personnages, ben je prends les ouais, je prends des photos mettons du Governor qui boit un petit drink. Puis j'y rajoute des faces de chat, puis plein de petites affaires, tu sais, des lasers partout, des arcs-en-ciel. Justement, il y avait dans la main. Puis ils retweetent mes photos, eux autres, ils trippent bien raide. Le channel AMC, ouais, le gars des réseaux sociaux de ça. Faisant un Mad Men tout de suite. Entre spécialistes en réseaux sociaux, on se parle, tu sais. Fait qu'il a décidé de sharer mes photos de chat sur son Tumblr, le chat. Fait que fait des Mad Men de chat tout de suite, là. Cette semaine, c'est le temps de faire des Mad Men de chat. Fait que je vais googler. Who cares, t'es spécialiste, tu comprends pourquoi ça vient d'en faire. Je vais googler ça, puis. Monsieur Nick! Oui, ben sur Twitter, c'est Johnny Tabarnak. Excellent. Toujours. Va hater The Evil Dead tout de suite. J'ai pas de Tumblr. Ben là, t'es pas un artiste non plus. T'es pas un artiste. Ça, c'est normal. Mais sinon, je suis sur Facebook pas mal tout le temps. Là. Bon, ben perfect. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. On se revoit dans deux semaines. Allez faire un tour vernissage. Likez la page... La page Facebook. La page Facebook. Likez tout ça. Écoutez nos épisodes, envoyez-nous du feedback podcast@geekcollectif.com. Hey, je peux te dire quelque chose? Ouais. Aussi dire de faire des reviews sur iTunes si vous avez faire des reviews sur iTunes, ça nous aide. On préfère des bonnes reviews. Ouais. Ben on aime tous les reviews, on aime tous les reviews. Avec du recul. Mais on préfère les bons, exactement. Ouais, sinon, en tout cas, tu vas rage quit. Non, je rage quit pas. Christian, si jamais vous voulez pas me suivre personnellement, vous pouvez toujours me suivre. Sur Studio Christian Volanos, c'est ma fanpage Facebook. Excellent. Cool. Fait qu'on close ça là-dessus. On se revoit dans deux semaines. Merci, bonsoir tout le monde. Yes, salut tout le monde. Attention à vous autres. Oh non. Qu'est-ce que ça, la machine?